Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour cette émission de Mosaïque. Une mosaïque, c'est un ensemble dessin à partir de petits morceaux de céramique de différentes couleurs. Hein, voilà. Alors, ce soir au programme, eh bien, conférence de presse retraite Mélenchon Autain-Quatennens. On va commencer par un gros morceau. Hein, le morceau actuel, c'est les retraites. Ce problème des retraites est très important, mais à mon avis, il était sorti surtout pour cacher un problème qui est encore plus important, encore plus grave, qui est très très lié à celui-là. Les deux sont liés. Si on fait bosser les gens jusqu'à 70 ans, évidemment, les jeunes ne pourront pas rentrer sur le marché du travail. Hein. Bon, et puis il y en a beaucoup qui ne tiendront pas jusqu'à 70 ans, parce qu'il y a des métiers qui sont pénibles quand même. Alors bon, enfin, voilà. Les retraites. Pour l'instant, le sujet d'actualité, c'est les retraites. Et puis après, ce sera les municipales. Et puis après, peut-être qu'enfin, on parlera du chômage. Parce que le chômage, c'est une grenade dégoupillée qui traîne dans un tiroir. Et si vous ouvrez le mauvais tiroir, ben, gare à vous. Ensuite, interdit d'interdire de Jean-Luc Mélenchon. Hein. La corruption en politique. Manon Oubry nous parlera des retraites encore. Eh oui, les retraites, c'est le sujet d'actualité. Les retraites. Et les retraites au Parlement européen. Hein, parce qu'elle est députée au Parlement européen, elle, donc elle peut nous donner la tendance de ce côté-là. EFI, la France insoumise, oh que c'est beau ça, ce mot insoumis, ça c'est quelque chose de, c'est courageux, c'est, il faut de temps en temps comme ça des moments, quoi. Il y a eu les résistants, à une époque, les résistants, puis après il y a eu les insoumis. Alors Adrien Quatennens nous parlera du Parlement. Hein? Ben oui, le Parlement, c'est fait pour qu'on en parle. Ensuite, Mélenchon, retraite et concordat. Coluche nous chantera, nous racontera une histoire qui a pour titre Le Chômeur. C'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Enfin, c'est la façon que Coluche avait de traiter le sujet. Ensuite, revue de presse. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et puis ensuite une bonne semaine, un beau week-end. Hein? Au revoir. Comme vous le savez, nous avons achevé, comme on vit hier, la tenue de la commission spéciale, au cours de laquelle les députés insoumis ont défendu plusieurs milliers d'amendements. On doit quelques explications sur le sujet. Sur la méthode, vous avez compris comment on a fonctionné. Nous avions deux membres de la commission spéciale qui ont tenu la tranchée d'un bout à l'autre, tandis que par un système de noria, tous les autres participaient à la discussion à tour de rôle. C'est donc Clémentine Autain et Adrien Quatennens qui portaient le cœur du dispositif. La méthode employée est résultée de l'examen qu'on avait fait de ce qu'il y avait dans le texte. Et plusieurs constats s'imposaient, en toute hypothèse, avec un nombre moyen raisonnable d'amendements, ça ne tenait pas dans le temps préparé par le gouvernement, en toute hypothèse, selon nous. Hein. Par conséquent, nous sommes organisés pour que tout le débat puisse avoir lieu à partir des premiers articles. En particulier parce que les premiers articles de la loi définissent des principes généraux et commencent par décrire les formes concrètes que prendra l'application de la loi à d'autres endroits du texte de la loi. Bon, pour résumer, on en était à l'article 3, qu'il y avait des références à l'article 55. Donc, l'argument d'après lequel nous aurions rendu illisible la discussion parce que nous aurions traité de grands principes qui sont traités en détail ailleurs ne tient pas. C'est l'inverse. Et si on avait suivi le plan de route des rapporteurs et de la Macronie, que la discussion aurait été absolument inintelligible et incompréhensible. Par conséquent, nous récusons que cet été de l'obstruction au sens d'un empêchement du débat. Ça n'a pas été un empêchement du débat, c'est le contraire. On l'a rendu possible, on a travaillé de nombreux aspects, levé plusieurs lièvres sur lesquels mes deux camarades vont revenir, et permis à partir de là, je crois, une meilleure compréhension par ceux qui suivaient de ce que contient la loi. Alors, nous voyons bien que dans cette affaire, le régime a subi un revers. Après le revers de la permanence d'une lutte qui dure, qui continue, qui prend des formes nouvelles, arrivé au Parlement, ça a été le revers, non pas seulement d'un texte qui n'a pas pu être examiné en entier, mais le revers d'un texte qui a été discuté et qui, dès lors, a permis d'apercevoir des points qui jusque-là avaient été masqués, aussi bien des questions de contenu qui vont être évoquées que aussi ce que chacun a pu voir, une impréparation quasi totale des députés macronistes, leur incapacité à répliquer, parce qu'à partir du moment où ils avaient compris, compte tenu du nombre d'amendements qu'il y avait, que ça ne tiendrait pas dans les jours prévus, il était tout à fait clair qu'il leur était loisible d'intervenir. Ça n'aurait rien changé au calendrier. Ils ne l'ont pas fait, et cette fois-ci, comme souvent, ceux qui se taisent sont en général ceux qui n'ont rien à dire. Et c'était tout à fait le cas. Ils n'avaient rien à dire, et quand par hasard on arrivait sur une question un peu pointue, tout le monde a pu voir qu'eux-mêmes ne connaissaient pas le contenu de leur propre loi. Jusqu'à la fin où j'ai pu assister au vote d'un amendement dont les intéressés ne comprenaient pas ce qu'ils voulaient dire, qui a été quand même un record. Moi, j'en ai vu dans la vie parlementaire, mais alors là, ça battait des records. Alors, voilà pour notre tactique. Pour la suite, évidemment, tout le dispositif est en place. Nous allons organiser, pour tenir compte des conditions particulières du débat en plénière, nous allons traiter ces conditions avec autant de soin que nous l'avons fait pour la commission spéciale. Nous savons que ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions de débat. Mais il y aura aussi une noria, il y aura aussi des amis qui, de jour en jour, auront à porter la bataille. Ça prend place au sein d'un dispositif un peu plus large. Nous avons mis en circulation une offre de texte de censure qui continue à tourner. Nous avons d'ores et déjà, en tout cas, recueilli, évidemment, les signatures des Insoumis, mais aussi des deux tiers du groupe GDR et quelques signatures de divers groupes comme celle de Jean Lassalle. Et le document est prêt. Nous l'avons rédigé dans des conditions qui permettent à tout le monde de le signer. Le texte de la motion de censure n'est pas un texte qui porte sur le contenu à proprement parler de la loi, mais sur la méthode de traitement du Parlement. Parce que c'est sans doute à l'occasion de ce texte qu'auront été réalisés des franchissements autoritaires et de mépris du Parlement comme jamais on en avait vu dans le passé. C'est donc sur ce point que nous concentrons la question de la censure, de manière à pouvoir obtenir un sursaut, une expression du Parlement qui fasse état de son indignation. Car s'il n'y a jamais eu une obstruction ici, c'est celle que le gouvernement a organisée. L'obstruction, c'est Macron. Une procédure accélérée. Un rapport de 1000 pages entièrement faux, puisqu'il est organisé autour du concept d'âge pivot qui ne bouge pas. 29 trous liés à des ordonnances dont le contenu est décrit dans des conditions d'une confusion totale. Une Macronie muette et un rapport du Conseil d'État dont chacun s'accorde, qu'il soit insoumis ou pas, à reconnaître que rarement le Conseil d'État s'est exprimé de manière aussi dure. Cette obstruction, nous voulons la censurer. Le texte est prêt, il ne manque plus que les signatures des socialistes. Les socialistes font des choix qui nous paraissent souvent un peu étranges, parce que nous, notre intérêt, autant le dire franchement, nous ne voulons pas qu'il y ait le spectacle de division sur cette partie de l'hémicycle, et par conséquent, nous mettons notre mouchoir sur bien des choses que nous entendons pour ne pas les envenimer. Mais nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi, alors que nous en étions d'abord tombés d'accord dans une rencontre entre le groupe PS, GDR et LFI, pourquoi la question de la censure et elle seule a été remise en cause par le groupe socialiste. Néanmoins, au-delà de la question de la censure, va venir la motion référendaire. Alors cette motion référendaire, pour l'instant, il y a la signature du groupe GDR, du groupe socialiste, une partie du groupe socialiste, mais assez nombreux, je crois, plus d'une vingtaine, et la totalité des membres de la France insoumise, évidemment, sur la motion référendaire. Si bien que sa discussion devrait tomber en début de séance, en début de la procédure. Et vous savez qu'il faut être présent au nombre requis dans l'hémicycle, et la discussion commence immédiatement. Donc nous serons 58, puisque c'est 58 qu'il faut être, pour que le déclenchement se fasse. Donc motion référendaire, censure à laquelle il ne manque plus que la signature des socialistes, et il y a la manifestation devant l'Assemblée nationale qui est prévue le 17 au terme d'un appel dont tout à l'heure, sans doute, Éric Coquerel dira quelques mots. Alors, face à tout ça, et je ne vais pas être plus long, nous avons le sentiment que le régime a fait le choix d'une stratégie de combat, lui aussi. Alors, dans un premier temps, ils ont répété en boucle qu'on faisait de l'obstruction, mais les observateurs sérieux qui ont suivi ça se sont aperçus qu'on avait argumenté comme jamais, que c'est bien grâce à nous que 3 ou 4 lièvres ont été levés, et pas des moindres, pas des petites choses. Alors, cette semaine, ils changent de tactique. Comme la répétition en boucle du fait que nous présentons beaucoup d'amendements et de l'obstruction ne fonctionne pas, ils ont trouvé autre chose. Donc on a, pour cette semaine de prévu, Macron à la montagne. Peut-être que dans la semaine, il y aura Macron à la plage, mais là, c'était Macron à la montagne, dans une espèce de ressucé assez médiocre du Chouaïa nature. Alors avec veillé dans un petit abri sur la montagne, et ensuite, le lendemain, les mains dans les poches, le président est allé reconstituer le glacier qui fond pour des raisons tout à fait mystérieuses, mais que lui va rétablir et signera son nom dans M qui veut dire Macron, et le glacier va réapparaître. Alors, dans le même temps, évidemment, c'est pas parce qu'il tente des stratégies de communication que c'est très malin, hein. Là, ça le fait pas trop, parce que aller faire le kéké au Mont Blanc pendant que ses députés au Parlement européen votent un plan dans lequel on va développer à mort l'industrie gazière, il faut vraiment être un naïf pour croire qu'on va pas s'en rendre compte et qu'on va pas le dire. Et ben maintenant c'est fait, on le dit, c'est un hypocrite et un tartuffe. Et au Mont-Blanc, il a gesticulé, et il nous semble qu'un président de la République a mieux à faire que d'aller faire ce numéro. Ensuite, nous aurons dans le milieu de la semaine un autre sujet de diversion. On va avoir, paraît-il, une grande déclaration sur le communautarisme. Alors, on comprend que l'intention par-dessus tout de M. Macron est qu'on ne parle pas des retraites, hein, ni du contenu de sa loi, mais qu'on parle d'autre chose. Donc là, il va nous ramener le bon vieux sketch sur l'islamophobie, oui ou non, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, est-ce que telle communauté pose un problème et pas telle autre, et blablabli, et blablabla, et ça devrait occuper plusieurs jours sur... Il espère que ça va saturer les ondes et l'intérêt des médias. Pour ma part, je le déplorerais, parce que c'est une mise en scène qui, après une séquence qui continue d'ailleurs, aussi sévère de tension sociale, viendrait y rajouter, par pur vice, par pure perversité, des tensions ethniques qui seraient censées s'y substituer. Donc nous voulons dénoncer cette façon de faire, et surtout de la part de laïcs à géométrie variable, parce que je n'aborderai moi que cette question, mais tout de même, je voudrais rappeler que dans la discussion du texte, le texte a prévu aussi une retraite à points pour les ministres du culte, ce qui fait vraiment de la laïcité à géométrie variable, et toute la Macronie a trouvé ça normal, et tout à fait satisfaisant à ses yeux. Voilà, donc, cette stratégie de diversion, la parade que nous y opposerons, c'est de parler des problèmes qui se posent ici et maintenant sur cette question des retraites. Et si vous voulez bien, maintenant, je donne la parole d'abord à Clémentine Autain, puis ce sera Adrien Quatennens pour les questions que nous soulevons et dont nous espérons qu'au cours de la semaine prochaine, elles soient traitées sérieusement par le président de la République, parce que, je voudrais le rappeler, il s'agit de la vie de millions de gens qui pourront ou pas bénéficier d'une retraite, qui pourront ou pas partir à 62 ans, ce qui est déjà très tard, et dans quelles conditions de revenus, alors qu'il y a déjà tant de pauvres et que la situation va s'aggraver du fait de cette réforme. Et je voudrais qu'on sache bien que nous vivons des jours historiques au cours desquels non seulement sont effacées les traces de la retraite à 60 ans, raison pour laquelle nous allons continuer à le défendre, mais tous ces acquis qui ont été ceux d'un siècle et demi de lutte des classes et de lutte des travailleurs pour développer leurs acquis, car vous voudrez bien, en vous référant à l'histoire, vous apercevoir que pas une fois, je dis bien pas une fois, une diminution du temps de travail n'a été adoptée par une autre famille politique que la nôtre, et que les autres n'y ont jamais rien fait que d'essayer de revenir dessus. Bon, alors je passe la parole à Clémentine Autain. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, je dirais qu'on a commencé les travaux en commission dans un brouillard londonien et on a terminé dans le Connemara, c'est-à-dire un brouillard qui était encore plus gros. On était à Galway, on n'y voyait absolument plus rien. C'est vraiment une usine à gaz que nous propose le gouvernement. J'ai même envie de dire une usine à gaz de schiste. Et progressivement, donc nous sommes rentrés dans le texte et aussi dans l'étude d'impact, 1000 pages, totalement faussées, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon à l'instant, puisqu'il fige l'âge d'équilibre à 65 ans ad vitam aeternam, ce qui est totalement lunaire, puisque le principe même, c'est évidemment d'augmenter l'âge d'équilibre au fur et à mesure, ce qui modifie les enjeux de décote et de surcote, et donc la pension réelle touchée au final, et qui fige aussi une croissance à 1,3%, là aussi ad vitam aeternam, donc ça, c'est totalement une étude qui est assise sur du sable, avec des exemples presque drôles, ma collègue Caroline Fiat est revenue à plusieurs reprises sur cette aide-soignante qui gagne 2 500 euros, en demandant au gouvernement si les aides-soignantes allaient donc être augmentées, bonne nouvelle, ou si ils avaient anticipé que nous serions en responsabilité d'ici peu de temps pour changer la situation, en vain, ou alors des cas de magistrats qui commencent à travailler à 22 ans, n'est-ce pas ? C'est tout à fait réaliste, puisque l'entrée moyen dans ce métier, c'est à 28 ans. Enfin, je vous fais pas toute la liste, mais enfin, c'est assez cocasse. Donc, nous, on y est allé alinéa par alinéa, et chemin faisant, nous avons donc déterré des lièvres assez énormes. Donc, je vais vous en citer quelques-uns. Alors, évidemment, le plus inattendu, on va dire, et qui c'est un lièvre qui a couru jusqu'à la loi organique hier. Vous savez que dans le rapport Delevoye, on nous a expliqué que, bonne nouvelle, les retraites allaient être calculées désormais sur la base des salaires et non plus de l'inflation. L'inflation, c'est Balladur en 93 qui décide de ne plus indexer sur les salaires, mais d'indexer sur l'inflation, ce qui a généré une baisse des pensions. Donc là, avec le rapport Delevoye, on nous promet que ça va être vraiment mieux, puisque c'est sur les salaires. Vous avez tous compris que on a une valeur du point au démarrage, quand vous acquérez le point, ce qu'on appelle la valeur d'acquisition du point. Ensuite, vous avez une valeur de service, donc c'est le moment où vous avez votre pension, c'est une valeur d'usage, le moment où vous le touchez. Et entre les deux, il y a donc un truc qui s'appelle le coefficient d'ajustement. Écoutez bien, parce que même c'est... Et alors, on essaye vainement de trouver qu'est-ce qu'il y a dans ce coefficient d'ajustement. Alors, dans ce coefficient d'ajustement, il y a surtout l'âge d'équilibre, qui fait qu'ensuite, vous avez une décote ou une surcote suivant l'âge auquel vous partez. Si vous partez 2 ans plus tôt, ça fait 5% une année, 5% une autre année, allez hop, 10% au moins. Donc, c'est pas tout à fait moins et tout à fait rien. Et à l'intérieur, il y a donc une base qui serait le salaire. Donc, ça a disparu, ce n'est plus le salaire. C'est ce que nous avons trouvé, donc le revenu, au début le revenu, puis finalement le revenu d'activité moyen par tête. Alors voilà un terme qui est inconnu des catégories de l'INSEE. Donc nous avons demandé ce qu'était ce revenu moyen par tête. Impossible d'avoir la moindre explication, ça a totalement pataugé. Le rapporteur Turquois nous expliquant, nous comptons sur l'INSEE pour nous donner un indicateur précis. Non, mais ça m'a envie de rire, mais en vrai, c'est quand même absolument pas drôle. Et alors ça a pataugé, donc on ne sait toujours pas ce qu'est ce revenu d'activité moyen. Et hier, dans la loi organique, là, il était fait référence à l'inflation. C'est vous dire si ça s'est éclairé au fur et à mesure des choses. Pareil sur la question des indépendants. Il ne vous a pas échappé que notamment les avocats étaient mobilisés comme jamais et que le gouvernement a été un peu sommé d'essayer de donner des éléments de compensation. Et c'est comme ça qu'il faut le penser. C'est-à-dire que comme il y a un manque à gagner avec leur système, ils essaient ensuite de trouver des pistes pour calmer le jeu et de dire « vous inquiétez pas, on va faire quelque chose, ça va pas être aussi dur ». Les avocats vont devoir doubler quasiment leur cotisation, donc c'est considérable. Et c'est évidemment le droit à accéder à la justice qui va être mis en cause, puisque ce ne sont pas les grands avocats qui vont être les plus pénalisés, mais celles et ceux qui offrent des possibilités d'accéder à la justice à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et c'est ceux-là qui vont prendre le plus cher. Alors là, est sorti du chapeau un abattement de 30 000 euros. Alors un abattement pour les indépendants, donc 30%. Oui, pardon, j'ai dit 30 000 euros, pardon, de 30%, excusez-moi. Un abattement de 30% pour les indépendants. Donc c'est totalement sorti du chapeau, c'est-à-dire une hausse de la CSG. Donc on va vider les caisses de la Sécurité sociale, vous avez bien compris, pour essayer de renflouer les caisses des retraites qui sont vidées par ceux-là même qui prétendent faire une réforme au nom de l'équilibre financier et du combat contre un prétendu trou des caisses qui n'existe pas, si ce n'est par les mesures du gouvernement, puisque Les exonérations fiscales récentes opérées par ce gouvernement ont abouti à 5 milliards en moins dans les caisses, vous le savez. Donc si, en fait, il n'y a pas de problème, on n'est pas du tout en faillite, il n'y a aucune urgence à réformer le système. Mais en revanche, le gouvernement a déjà pris des mesures qui vont avoir un impact sur l'équilibre financier. Ce sont des recettes en moins. Donc on déshabille Paul pour habiller Jacques, vous avez compris, on déshabille le système de la sécurité sociale pour habiller, compenser le manque à gagner sur... voilà, et on ne sait absolument pas nous dire qui ça va concerner. Je vous alerte là-dessus parce que on a posé la question, on a mis beaucoup de temps à avoir une réponse et on nous dit que ces 30% d'abattement ne concerneraient que ceux qui touchent un PASS. Hein. Un PASS, donc c'est-à-dire, vous avez compris... Parce que, oui, bon, tout le monde suit ou tout le monde ne suit pas. Je ne veux pas vous embrouiller avec le détail, mais c'est vous dire si on est allé jusqu'au bout des logiques, y compris techniques, qui ont un impact. Et si ça ne touche qu'un PASS, ce n'est absolument pas ce qui a été dit par la lettre de la ministre aux avocats. Donc on a là un flou qui est un flou tout à fait massif. Autre question, je demande à un moment donné au ministre Pietraszewski ce qui est prévu pour les pensions de réversion. Là, on est dans le cadre des ordonnances, donc on ne sait pas. Et il me répond cette phrase exceptionnelle, il me dit « Ah oui, Madame Autain, vous avez raison, ça serait bien d'y voir clair sur ce qui va se passer sur les pensions de réversion, vous avez raison ». Donc quand vous avez un ministre, non mais je veux dire c'est extraordinaire, vous avez un ministre qui, alors que vous lui posez une question précise, ça fait 2 ans qu'ils sont sur le sujet, il y a eu 2 ans de concertation, et qu'ils arrivent en nous présentant un texte sur lequel ils sont incapables de répondre sur des enjeux qui ne sont pas des petits enjeux mais des enjeux phares, c'est vrai qu'il y a de quoi, être particulièrement ahuri, halluciné de la méthode empruntée par le gouvernement qui se trouve vraiment, enfin moi j'ai l'impression que c'est les pieds nickelés, c'est-à-dire que non seulement ils ont un dogme recherché qui est de réduire la dépenses publiques, mais en plus ils le font avec un mécanisme qui est absolument pas bordé et qui est à trous et qui est tout à fait impréparé. Autre point, la compensation. Alors là on a soulevé un lièvre incroyable parce que vous savez que ils veulent faire un taux unique. Aujourd'hui, pour les retraites des fonctionnaires, c'est l'État qui paye à hauteur de 74%. Et là, ils veulent inscrire dans le marbre de la loi que l'État va s'aligner sur les normes du privé et donc demain ne compenser qu'à hauteur de 17%. Donc on passe de 74% aujourd'hui, qui est la norme en vigueur, à quelque chose inscrit dans le marbre de l'ordre de 17%. Et là, la main sur le cœur, le ministre nous dit « Vous inquiétez pas, on va combler ». On est là, faites-nous confiance, on va combler. Mais c'est évidemment impossible de combler, enfin de faire confiance au gouvernement sur le fait qu'il va tenir sa parole. D'abord parce qu'il ne la tient pas là tout récemment. Il a dit qu'il compenserait les exonérations fiscales, ces 5 milliards d'euros. Il ne l'a pas fait et personne ne peut faire confiance à ce gouvernement pour ensuite combler. Donc on ne sait toujours pas financièrement comment ça va se passer pour les fonctionnaires. On nous dit qu'on met 10 milliards sur la table pour compenser le manque à gagner. Donc si on veut compenser le manque à gagner, c'est bien qu'il réalise que ça ne va pas tenir et qu'il va bien y avoir une baisse et un trou et une difficulté. Et je vous alerte, vous l'avez vu, sur l'interpellation de 2 députés de La République En Marche qui ont écrit au gouvernement pour leur donner une liste précise d'éléments qui ne sont absolument pas gagés d'un point de vue financier et qui concernent des milliards d'euros. Et une des signataires dit dans Le Monde très explicitement « Rien ne nous dit que nous aurons les réponses pour lundi ». C'est quand même très inquiétant. Et je remarque qu'au cours de toute la commission, la Macronie a été peu fervente à défendre son texte. C'est-à-dire l'essentiel de leurs interventions, c'est pour expliquer que nous avons fait de l'obstruction, mais certainement pas pour essayer de défendre réellement la logique du texte. Alors parfois, ils s'y sont collés de façon un peu maladroite. J'ai en mémoire un député qui nous a expliqué que, oui, c'est vrai que quand on calcule sur l'ensemble de la carrière dans le privé, non plus sur les 25 meilleures années, comme ça, intuitivement, hein, on peut penser que ça va être moins bien, mais non, en fait, non, c'est contre-intuitif. Vous voyez l'argument massu, c'est contre-intuitif. Donc, ils n'ont jamais réussi à argumenter. Ils ont été en grande, grande difficulté. Et même, je terminerai là-dessus, quand j'ai posé la question au gouvernement hier dans l'Assemblée sur le référendum, peut-être avez-vous vu que M. Pietraszewski ne m'a pas répondu sur le référendum, qui est pourtant légitime puisqu'il n'y a pas d'urgence, le système n'est pas en faillite. 61% des Français sont opposés à ce projet. Le pays est en état de colère, d'ébullition et de mobilisation maximale. tout concourt à ce que nous ayons recours au peuple, tout simplement pour trancher cette question-là. Et là, il me répond complètement autre chose. Il me dit « Ah mais non, mais le système est bien, regardez, il fonctionne bien dans Agir Carco. Nous sommes allés voir sur Agir Carco et je veux juste vous signifier qu'en effet, c'est un régime qui ressemble, qui n'est pas totalement, mais qui ressemble au système par points. Et bien précisément chez Agir, en 10 ans, vous avez eu 16% de baisse du point, de la valeur du point. » Donc précisément, nous répondons sur l'ensemble des arguments tout à fait fallacieux qu'ils nous inventent et qu'ils mettent en œuvre. Alors au cours de cette commission, et c'est ce que nous ferons à l'Assemblée nationale pour tout le texte, l'enjeu est pour nous évidemment de soulever les lièvres, pied à pied de combattre leur logique et de faire émerger une autre façon de penser une réforme des retraites. Et d'ailleurs, on a eu un débat sur le progrès social, parce que de temps en temps, ils nous disent « Non, non, c'est du progrès social. » Non, le progrès social, c'est améliorer les conditions de vie des gens. Et là, il n'y a pas d'amélioration, il y a une détérioration, il y a une destruction claire, nette et précise de notre régime de retraite par répartition issu du Conseil national de la Résistance. Et nous, nous disons qu'il est possible de faire autrement. Avec seulement 2 points de produit intérieur brut en plus, on peut garantir la retraite à 60 ans. On peut garantir le fait qu'il n'y a pas une carrière complète qui puisse se retrouver avec une pension en dessous du SMIC. Et que nous ne voulons aucune personne à l'âge de la retraite qui soit en dessous du seuil de pauvreté. Tout cela est tout à fait possible, mais l'enjeu, c'est de savoir comment on répartit autrement les richesses, et donc en clair, d'aller chercher de nouvelles recettes. Or, le gouvernement est englué dans le cadre de l'austérité, des fameux 3%, on les a d'ailleurs interrogés sur ce chiffre qui a été fabriqué dans un coin de bureau de façon totalement technocratique, et il ne nous répond pas. Il ne nous répond pas parce qu'il n'a aucune imagination pour essayer de voir que l'on pourrait mettre à contribution les revenus financiers, mettre à contribution en finissant avec les exonérations fiscales. Bref, il y a plein de mannes possibles, mais ces mannes-là, par dogmatisme et entêtement dans cette règle d'or, le gouvernement est incapable de penser autrement cette contre-réforme qui n'est pas nécessaire parce qu'il n'y a pas de trou et de gouffre à court terme et qui est surtout une immense régression que donc nous combattrons pied à pied pendant les semaines d'hémicycle dont on ne sait pas comment ça va se terminer puisque vous avez bien compris que avec les tonnes d'amendements là, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller, comment ça va se terminer. Mais je vous assure qu'on sera là au rendez-vous pour leur rendre la tâche la plus difficile qu'il soit. Très bien. Bien, puisque notre temps est contraint, mes amis ont eu l'occasion de revenir sur les conditions particulières des travaux de la commission spéciale. Je veux dire pour ma part que 19 000 amendements de la France insoumise, c'était aussi 19 000 occasions pour La République En Marche de défendre un texte auquel ils sont censés croire. Et on les a bien peu entendus. Lassés qu'ils étaient au bout de 3 jours de nous voir intervenir et argumenter, ils ont décidé, vous l'avez suivi, de diviser par 2 le temps de parole des parlementaires dans la commission, en pensant d'ailleurs que tout ça resterait cloisonné au ronron de l'Assemblée nationale, mais effectivement, on s'est chargé de le faire savoir, ce qui participe finalement du mépris du Parlement qui a été bien résumé. C'est donc une succession d'échecs sur le chemin d'Emmanuel Macron, après le Conseil d'État, après le fait qu'une majorité de Français, à raison, sont toujours opposés à cette réforme, que 67% d'entre eux, selon un sondage publié ce matin, sont pour le fait qu'on soumette ce texte à référendum, le Conseil d'État, bref, tous les éléments de langage sont tombés. Alors une fois qu'on a fait tomber les éléments de langage, toutes ces histoires à dormir debout qu'Emmanuel Macron nous a racontées sur un régime universel, juste, simple et pour tous, parce que Emmanuel Macron se figure que plus il va répéter que le système est juste, simple et pour tous, plus on va finir par l'intérioriser et y croire, de la même manière qu'il pense qu'en allant se promener à la montagne ou à être sur une scène avec un fond de scène vert, tout le monde va croire qu'il est le champion de la Terre. Bon, bah, effectivement, ça ne marche pas. Que reste-t-il une fois qu'on a retiré les éléments de langage de ce projet de loi? Il ne reste en quelque sorte qu'une vaste mesure d'âge, un seul objectif poursuivi sans le dire. Et dans les débats de la commission spéciale, nous avons eu l'occasion, en quelque sorte, d'utiliser les argumentaires de la droite républicaine qui, elle, a au moins le mérite de l'honnêteté. Elle dit ce qu'elle veut faire. Nous sommes en radical désaccord avec elle. Elle veut une mesure d'âge, c'est-à-dire décaler l'âge légal de départ à la retraite. Mais elle, au moins, elle l'assume. Emmanuel Macron, lui, fait de la politique comme on fait une partie de poker. Il bluffe. Il dit « Je fais une réforme universelle, juste, simple et pour tous. » Et en réalité, il organise juste une mécanique qui va, en quelque sorte, nous exonérer d'avoir à subir pour les 20 prochaines années une quinzaine de réformes des retraites. Parce que là où hier, il fallait faire des réformes de retraite dites paramétriques par le recul de l'âge légal ou de la durée de cotisation, eh bien demain, dans un bureau, autour d'un coin de table, on pourra décider, selon effectivement la modulation du coefficient de conversion de la valeur du point, de faire en quelque sorte ce qu'était hier une réforme des retraites. Voilà ce qui va se passer. J'attire votre attention sur le fait que, par-delà l'ensemble des éléments de langage, il faut rappeler que l'ultime argument d'autorité asséné par La République En Marche, qui voudrait que, comme ils ont été élus et qu'ils l'ont été sur un programme, on pourrait discuter des heures des conditions particulières de l'élection d'Emmanuel Macron, mais ça n'est pas le sujet à cette heure. Ils en appellent sans cesse à leur programme et à leur élection. Je veux rappeler que le programme d'Emmanuel Macron s'agissant des retraites annonçait clairement la couleur. Nous ne toucherons pas à l'âge de départ et nous ne toucherons pas au niveau des pensions. Or, leur système va précisément faire les deux. Ils vont toucher au niveau des pensions et tout le monde le comprend. Si vous comparez le système actuel et le système de M. Macron et qu'en comparant les deux, dans celui de M. Macron, vous devez travailler quelques années de plus pour atteindre le même niveau de pension, c'est bien qu'au même âge, votre niveau de pension a baissé. Comprenez-le autrement, dire on recule l'âge ou on baisse le niveau des pensions, c'est en fait dire la seule et même chose. C'est faire porter tout le poids de l'effort sur le dos des actifs et des salariés de ce pays. Oui, mais voilà, les gens réfléchissent et à mesure que le temps passe, les gens comprennent une chose, c'est qu'on n'a pas besoin de s'infliger toutes ces douleurs. D'abord, on s'est chargé de l'expliquer, travailler plus longtemps, ça ne fonctionne pas. C'est le chômage des seniors, un actif sur deux qui n'est plus en emploi à l'âge d'arriver à la retraite. 300 000 chômeurs de plus de 60 ans et le Conseil d'État qui n'est pas un nid d'insoumis mais s'est chargé méthodiquement de valider l'essentiel des arguments de l'opposition et de dire notamment que oui, s'il y a déficit, il va y avoir un transfert des caisses des retraites vers les caisses du chômage et qu'on va simplement aggraver la situation du chômage dans le pays. Emmanuel Macron a une logique qui est opposée à la nôtre. Sa règle d'or à lui, c'est ne pas consacrer plus de parts de la richesse nationale aux retraites et organiser la vie des gens en fonction de cet objectif, par le niveau des pensions et par l'âge effectif du départ à la retraite. Eh bien nous avons une règle d'or qui est absolument l'inverse, dont on a assez peu pu parler malgré nos nombreux amendements qui se sont chargés d'illustrer ce contre-projet qui, je le dis, est toujours disponible et qui montre que l'on peut, sans trop de difficultés à s'infliger, financer la retraite à 60 ans, aucune pension sous le SMIC pour une carrière complète et personne sous le seuil de pauvreté. Et la première des choses dont on aurait aimé qu'ils discutent, c'est est-ce que cet objectif est désirable de leur point de vue ? Est-ce que c'est souhaitable de pouvoir fixer un âge de départ ? Parce que depuis 3 mois, on parle de la retraite comme d'un problème de mathématiques anxiogènes, une équation à résoudre. On a beaucoup parlé dans cette commission d'âge d'équilibre, de décote, de niveau de pension. Mais sur la retraite, on aurait pu parler... je ne sais pas moi, de cinéma, de musique, de jardinage, d'amour, d'amitié, de toutes ces choses que devrait permettre ce troisième âge de la vie. Mais non, ça, il n'en est pas question. Donc je repose la question et nous la reposerons à La République En Marche. Oui ou non, est-il désirable de pouvoir permettre de partir à 60 ans avec un bon niveau de pension comme nous le proposons ? Car si la réponse à la question est oui, c'est désirable, nous voulons les rassurer sur le fait que le financer n'est pas très difficile. On vous l'a expliqué, pour financer ce que nous proposons, il nous faut consacrer simplement 2 points de PIB de plus aux retraites d'ici à 2040. 2 points de PIB de plus d'ici à 2040, ce n'est strictement rien si on veut bien considérer la part des richesses créées qui est passée des poches du travail aux poches du capital. Et il est là le sujet essentiel. C'est que le système par points que veut faire Emmanuel Macron se dresse comme un rempart qui les exonère de faire l'essentiel de ce qui doit être fait, mettre en cause le partage de la richesse produite qui est le seul fait des travailleurs de ce pays. Donc effectivement, là où eux adaptent la vie des gens à leurs objectifs comptables et budgétaires, nous adaptons les objectifs comptables et budgétaires à la vie des gens. Et c'est toute la différence. Nous aurons donc l'occasion de continuer à mener la bataille dans l'hémicycle dès la semaine prochaine et de redire à cette heure que nous avons procédé de la manière dont nous avons procédé et nous procéderons dans l'hémicycle de la manière dont nous allons le faire, d'abord au nom de celles et ceux qui, depuis plus de 60 jours, luttent dans ce pays. Je rappelle que ce projet de loi est contesté par une majorité de Français et que le mouvement social est le mouvement le plus ample de toute l'histoire de la Ve République de par sa durée. Et donc, il n'est pas question que ce projet de loi passe comme une lettre à la poste à l'Assemblée nationale. Et que tout cela ronronne et ne passe pas effectivement les radars, même si Emmanuel Macron organise la diversion. Nous serons donc effectivement présents la semaine prochaine et espérons le retour des mobilisations et la conjugaison entre l'opposition parlementaire et la lutte qui se mène dans le pays. Alors, précisément, Eric, si tu veux bien nous en dire un mot. Bien, rapidement, tout a été dit sur le fond. Vous avez compris une chose. À partir de jeudi, de lundi, comme nous l'avons fait en commission, on va continuer à creuser les tranchées et à faire en sorte que nous tenions le plus longtemps possible et retardions le plus longtemps possible le débat à l'Assemblée, puisqu'il semble que le 49-3 est exclu d'après les paroles du gouvernement, de façon à ce que la mobilisation sociale, qui sera la clé d'un retrait possible, puisse, j'allais dire, reprendre un second souffle. Non pas qu'elle se soit éteinte, au contraire, mais on voit bien que les formes sont un peu différentes. Et nous comptons bien aussi, parce que c'est comme ça que nous considérons notre travail de parlementaire, le mener à la fois à l'Assemblée, là où est notre rôle principal, mais aussi, comme nous l'avons fait depuis le départ, partout en appui des manifestations, des grèves, et pourquoi pas même avec des initiatives auxquelles nous pourrions participer, j'allais dire, de manière plus active. Il y en a une première qui vient d'être annoncée aujourd'hui, qui est la création d'un comité national de soutien aux mobilisations avec plusieurs centaines de signataires, des personnalités, des intellectuels, des artistes, des responsables politiques, des élus, des responsables associatifs, je pense à Attac, Copernic, etc., que vous découvrirez dans plusieurs médias. Qu'est-ce que dit cet appel ? Il dit qu'on crée un comité national de soutien aux mobilisations qui a deux rôles. Le premier rôle qui est de continuer justement à appuyer les initiatives prises par l'intersyndicale. Donc vous savez que la prochaine est le 20 février. L'appui aussi au 8 mars, journée traditionnelle de l'égalité homme-femme, et également d'autres initiatives qui viendront. Et il nous a semblé nécessaire aussi, en lien avec l'intersyndicale, de proposer des initiatives propres. Il y en a une première, le 17, jour de l'ouverture des débats, où nous allons, avec d'autres, donc, organiser un rassemblement place Herio, à proximité de l'Assemblée, une assemblée populaire pour le retrait du projet de loi, de 16h jusqu'à la fin des débats. Et donc, se succéderont des interventions de grévistes, bien sûr, en premier lieu, d'animateurs des luttes, mais aussi de ces intellectuels, personnalités, les députés, évidemment. Voilà, on dansera aussi avec le fameux groupe qui entonne la chanson sur Macron dans toutes les manifestations, dont d'ailleurs Clémentine fait partie, est un des piliers actifs. Ce groupe, je t'ai vu. Donc, bref, ça va être une journée de mobilisation importante que l'on fera à proximité de l'Assemblée. Le même jour, d'ailleurs, il y aura aussi en lien avec des médias le lancement d'une collecte de dons pour les grévistes, parce que les grévistes continuent dans ce pays et c'est tant mieux, et il faut évidemment des financements. Voilà, ça sera donc la première initiative de ce comité national de soutien. Juliette, qui est ici à la liste des signataires, qui est plusieurs centaines, plein de personnalités intéressantes. Et on se retrouvera tous à la fois dans l'hémicycle et à la fois place Herio, parce que nous sommes sûrs d'une chose, c'est qu'on peut obtenir le retrait total de ce projet. Voilà, c'est la conviction qui est la nôtre. Est-ce que pour vous, ce qui s'est passé cette semaine, si s'achève le blocage du texte en commission, est une victoire ? Et comment est-ce que ça va se passer la semaine prochaine ? Vous l'avez déjà dit, mais est-ce que vous pouvez rassurer ? Alors, clairement, nous considérons que nous avons remporté une victoire parce que nous les avons obligés à supporter une discussion portant sur l'ensemble des aspects de la loi. C'est le paradoxe de notre tactique et qui prouve qu'elle a été victorieuse, c'est que compter découper ça en rondelles et nous passer d'un article à l'autre sans qu'on voit la cohérence du texte. Donc on les a obligés. Et comme ils se mordent les doigts d'avoir cru que c'était intelligent de se taire pour que ça aille plus vite, ils restent dans une situation ridicule où le texte n'a été défendu par personne. Puisqu'il n'a pas été défendu au fur et à mesure et que les rapporteurs se contentaient de répondre à nos objections. Donc pour nous, sur le plan intellectuel, c'est une victoire. Sur le plan politique, c'est un échec pour eux, puisqu'ils n'ont pas réussi à contrecarrer ce que nous voulions faire. Il est évident que dès lors qu'on était dans un temps contraint, on ne pouvait pas s'attendre à ce que ça dépasse la date de mercredi dernier. Donc je suis très étonné que personne ne leur ait donné quelques conseils de tactique de vie parlementaire, parce que, puisque clairement ça ne rentrerait pas, ils auraient dû se mettre à disputer amendement par amendement, le terrain et faire valoir leurs arguments, ce qu'ils n'ont pas fait. Et nous nous sommes assez bien débrouillés pour qu'à plusieurs reprises, on s'aperçoive, que tout le monde s'aperçoive, qu'eux-mêmes ne savaient pas ce qu'il y avait dans le texte et étaient incapables de préciser des choses. À un moment, c'était totalement ridicule. Quand on a levé l'idée, le lièvre, de dire « vous calculez par rapport à un revenu moyen par tête », le rapporteur s'embrouille, demande des notes à ses voisins, puis il attend un moment, puis alors qu'il lui suffisait de regarder trois alinéas plus loin, et c'était décrit. Et il nous a d'ailleurs répondu quelque chose de faux. Il nous a dit, on compte sur l'INSEE pour le calculer. Ils n'ont pas bien regardé leur propre texte, parce que dans le texte, c'est pas l'INSEE qui va calculer cet indice, c'est le Conseil d'État. Donc on a eu le sentiment que on affrontait des gens qui n'étaient pas capables de défendre la cohérence de leur texte et qui ne le maîtrisaient pas techniquement. Si bien que, il y avait un grand engouement parmi nous à venir à cette commission pour essayer chacun d'en enlever un morceau de l'un ou de l'autre. Bon, là, les scènes étaient assez pitoyables. La suite, c'est évidemment que la bataille continue dans l'hémicycle, pour une part, mais que pour nous, la bataille dans l'hémicycle, elle a pour objectif essentiel d'intéresser toujours plus de monde au contenu de cette loi pour que les gens comprennent de mieux en mieux de quoi il retourne, et puis pour enfoncer la ligne de défense macroniste qui pour l'instant est extrêmement pauvre. C'est la répétition en boucle de slogans dont tout le monde sait aujourd'hui qu'ils veulent plus rien dire. Dire même quelqu'un qui est très lointain, quand il entend un système universel alors qu'il sait déjà qu'il y a 3, 4, 5 ou 6 régimes spécifiques qui vont être maintenus, il comprend que c'est plus vrai. Et surtout qu'on entende nos démonstrations, M. Macron a réussi ce tour de force de passer de 42 régimes spéciaux à autant de régimes spéciaux que de générations, puisque la retraite sera calculée différemment pour chaque génération. Donc sans entrer dans les détails techniques, ça c'est la fonction numéro un. Éduquer, élever le niveau de conscience, répandre dans le public la compréhension de ce qu'il y a dans le texte. Et puis évidemment, donner du temps à la mobilisation sociale, dont l'élément nouveau, alors il y a eu un premier temps, c'est les corporations les plus frappées durement par le changement de régime de retraite qui sont entrées dans la lutte, c'était notamment les cheminots et les traminots, et quelques professions comme ça. Puis il y a eu un deuxième temps de la lutte, alors celui-là, le premier a été le plus terrible, parce que c'est 50 jours de paye perdue, hein. La deuxième vague, ça a été, on peut dire, un peu sur le style avocat. Les gens qui jetaient, qui s'arrobent, qui s'appellent, suivant qu'on est égoutier, avocat ou autre, et avec un environnement, je dirais, ludique, qui a été, et artistique et culturel, qui a été ouvert par les danseurs de l'opéra, et qui s'est prolongé avec le commando dans lequel se trouve Clémentine Autain, en qualité de pilier, si j'ai bien compris. Non, on blague parce que je dis que pilier dans un groupe qui danse, c'est moyen. Mais elle m'a dit qu'elle a répété la chorégraphie. Enfin bref, tout ça est assez drôle. Mais c'est fait pour ça, hein. C'est fait aussi pour donner le visage plus sourd, plus souriant et grave des questions qui sont en cause. C'est-à-dire poser des questions graves d'une manière qui éveille les esprits. Alors ça a été le deuxième temps. Et maintenant, nous voici dans un troisième temps où nous avons la bataille parlementaire au centre de l'actualité politique et l'émergence d'un comité national de soutien qui commence à réaliser ce qui est un objectif déjà 10 fois affirmé par nous, qui est la convergence de ceux qui sont dans l'action. Syndicats, associations, partis politiques, élus, etc., etc. Ce comité national de soutien à la lutte va occuper cet espace, et sa première manifestation, c'est le 17. Bien sûr, il y en aura d'autres après, et c'est en secret pour personne que il y a déjà beaucoup de propositions en vue d'une grande marche nationale, puisque le prochain rendez-vous de mobilisation générale se trouve quasiment fin mars. Hein. Ce qui nous semble, après c'est les décisions de l'intersyndicale, nous on les commente pas, mais il nous semble qu'on a besoin d'une date relais qui permettent à tout le monde de se mobiliser, c'est-à-dire notamment, on pensera un jour de week-end. Mais ça, c'est d'autres discussions qui auront lieu dans le Conseil national. Moi, je me contente de présider le groupe. Ça va durer quelque temps. Vous étonniez que personne n'ait donné de conseil pratique au député LRM. En l'occurrence, il y a eu Emmanuel Macron qui a reçu les parlementaires mardi soir. Il a délivré un message, notamment pour leur dire d'assumer un côté amateur par rapport aux professionnels et politiques que vous seriez avec ce qui se passe au niveau de l'obstruction. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que, selon vous, c'est aussi il a proposé de vendre la majorité au président? Bon, il faut toujours se méfier de ce qu'il dit, parce que la dernière fois, il a dit « venez me chercher », les gens y sont allés, il s'est fâché tout rouge. Il y a eu des histoires de toutes sortes et des centaines de gens jugés pour avoir suivi la consigne du président. Non, ce qui vous voulez, l'enjeu dans une démocratie, c'est le débat, c'est les conditions du débat. Qui finit par l'emporter dans l'esprit public? Voilà, il n'y a pas d'autre enjeu que ça. La démocratie, c'est des paroles qui s'échangent, des arguments qui s'échangent. Pour l'instant, la Macronie est le dos au mur. Le régime, je dis bien le régime, parce que c'est dans tous ces aspects qu'aujourd'hui il est contesté par l'ensemble de la population. Par exemple, le déchaînement de la violence policière. Cette fois-ci, clairement, la violence est attribuée, à juste titre, au régime et au gouvernement. Nous avons assisté à des scènes qui finissent par ne plus surprendre personne dans ce pays, ce qui est quand même assez étonnant. Mais on voit un ministre de l'Intérieur répondre aux questions d'actualité, puis en commission, que la personne qui a été rouée de coups devant une vitrine l'a été à juste titre parce que des hélicoptères auraient pris des photos de lui avec une barre de fer et que je ne sais pas quoi, alors même que les juges d'instruction avaient relâché l'intéressé au motif qu'il n'y avait aucune preuve contre lui. Donc si bien que les propos irresponsables du ministre de l'Intérieur, destiné à faire se lever la holà habituelle des Playmobil LREM en séance de questions d'actualité, repose sur un mensonge, une accusation gratuite qui viole un certain nombre de principes que nous, on peut mettre en cause, que nous, on peut franchir ces lignes. Mais nous sommes l'opposition. Lui, il est le ministre de l'Intérieur. Est-ce que quelqu'un peut aller le lui dire? Et qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il ne peut pas mettre en cause une décision de justice. Moi, oui, je peux, parce que je suis l'opposition, c'est pas moi qui suis le responsable. Donc c'est comme ça que ça marche, une démocratie. Pour beaucoup d'entre eux, on va leur proposer un petit cours pour leur expliquer. Dans une démocratie, il y a une majorité qui propose des choses et qui les défend, et il y a une opposition, et l'opposition a des droits. C'est assez courant en démocratie. Donc ceux qui s'opposent à la majorité ne sont pas juste des bavards ou des saboteurs, ce sont des gens qui expriment un point de vue différent. Et les ministres ne sont pas autorisés à mentir et à mettre en cause des parlementaires dans la salle. Voilà, c'est ce que font à chaque question d'actualité. Vous avez entendu, comme nous, M. Petrachevski, raconter n'importe quoi sur les points à Girard-Arco. Ça ne le dérange pas, effectivement. Ou peut-être qu'il ne le sait pas, ce qui est encore pire. Donc, nous les sentons faibles. C'est pour ça qu'ils veulent changer de terrain. Mais il rira bien qu'il rira le dernier, parce que M. Macron ne veut pas parler des retraites, mais les Français, ils veulent en parler. Il est sur un sujet qui n'est pas un sujet de com. C'est ça l'erreur qu'ils commettent. Ils pensaient que c'était un sujet de com et qu'ils allaient passer sur le corps du pays sans que personne réagisse. Mais on n'est pas sur un sujet de com. On est sur un sujet où des gens se demandent si l'année prochaine, ils vont pouvoir partir en retraite ou pas. On est sur un sujet où les gens se demandent s'ils vont être pauvres dans un an ou s'ils vont pouvoir continuer à vivre dignement. Donc il peut inventer tout ce qu'il veut. Ces questions-là ne sortiront pas de l'esprit des gens. Et hier soir, nous avons entendu des choses qui sont... avant-hier soir, pardon... C'était sur la joie qu'il y a à continuer à travailler après l'âge de la retraite. Alors c'était entre 62 et 64 ans. Ce sont des propos qui ont été tenus par des gens qui n'ont jamais usé leur corps à quelque tâche que ce soit, qui oublient 80% de la population salariée, c'est des gens qui usent leur corps. Et donc il n'y a pas de joie pour eux à continuer. Et s'ils continuent, on nous a dit qu'il y en a qui continuent. Oui, sans doute certains par goût, on ne va pas le nier. Mais pour la masse d'entre eux, c'est parce qu'ils gagnent à peine... un peu plus de 1000 euros. Les 80% de ceux qui continuent à travailler, s'ils ne continuaient pas à travailler, seraient en dessous du seuil de pauvreté. Ces gens ne connaissent rien à ces réalités sociales. Ça les intéresse même pas. Ils continuent à deviser comme la classe moyenne supérieure qui s'interroge sur le fait si elle a encore la force de continuer à faire tel ou tel métier où on n'use pas son corps pendant 2 ou 3 ans. Donc voilà quelle est l'évaluation qu'on fait. Nous les sentons affaiblis. Pas par le nombre, ils sont 300, bon, il en reste encore assez large pour avoir la majorité. Mais ils sont affaiblis parce que, politiquement, dans le pays, la violence leur est attribuée et le caractère contre-social de leur réforme est dorénavant perçu par une majorité de gens. Si c'était si sûr que je leur repose la question qu'a posée Clémentine Autain aux questions d'actualité, ou ils retirent, ou ils font un référendum. Qu'on vienne pas nous dire que c'est trop compliqué, le référendum de 2005, il était aussi très compliqué, plus compliqué, il y avait plus de pages. Bon. Donc il n'a qu'à faire un référendum, c'est pour ça qu'on va déposer la motion référendaire. Donc que veulent-ils? Ils comptent sur le pourrissement et la diversion. Eh ben pardon, pour une grande démocratie, un pouvoir qui a plus que ça dans ses munitions, c'est plus des séances de calinothérapie à répétition, dont plus aucun d'entre vous n'a l'air de trouver étrange qu'elles aient lieu, Parce que moi, je me rappelle d'une époque où les présidents de la République quasiment se cachaient pour recevoir les députés, parce que ça se fait pas, le mélange des genres, l'exécutif et le législatif. Alors, c'est pas qu'on se cachait, mais il y avait une heureuse surprise. Le président Mitterrand apparaissait le soir du dernier pot du groupe sénatorial ou du groupe Assemblée nationale. Là, il les réunit tous à l'Élysée, il les harangue, il fait un meeting interne, et tout le monde trouve ça normal. Ben non, pardon, c'est ça, c'est pas la... C'est pas la vie comme on l'entendait. Je sais pas si j'ai bien répondu à tout. Monsieur Bernalicis, un mot. Deux points très rapides sur ce qu'a dit Emmanuel Macron. Les agriculteurs, il leur a expliqué qu'il était hors de question qu'ils aient tous 1000 euros, alors que c'est leur grande revendication. Et les avocats, il leur explique que c'est de leur faute ce qui leur arrive, puisqu'ils seraient pas venus à la table des négociations, ce qui est évidemment faux. En tout cas, aujourd'hui, c'est un acteur principal pour aider la mobilisation dans ce pays. Donc j'espère que demain, les agriculteurs et les avocats continueront la lutte avec tous les autres. Vampicité dans la débine, la mécaette dans la mafia, sourdine, de succombine, et t'avais ton radar. Tandis que toi, tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est pas que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tardines, et merdailler ta poitrine. Faut savoir jouer de la chopine, et la mafia, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, t'avais qu'à être dans la mafia, un petit pour riche, et te v'la riche, avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des poses, t'es même pas dans le bottin. Ça dispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pépin. Méfie la mafia se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes c'est la bohème, et la mafia elle aime pas ça. Tu vas traîner en terre en gaine, le long de la longue scène, en crachant sur ceux qui t'aiment, et la mafia, elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia, avec une crèche, dans une calèche, et des croque-muches en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup de gomme, si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille, à son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale, car pour louer sous la dalle, c'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette, pour faire ton métier de vedette, t'as qu'à barrer ce qui t'embête avec des X, ou bien chanter en anglais les conneries qui plaisent aux riches, alors tu seras sur l'affiche, Apocatrix, Apocatrix. Tous les régimes qui nient la démocratie sont condamnés à terme, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais c'est condamné par deux facteurs, l'éducation et le nombre des personnes. Plus les gens sont nombreux, et nous sommes très nombreux sur cette planète, plus les liens s'intensifient, et plus ça va contre l'intuition, hein, plus il y a des masses, plus il y a des individus. Parce que quand vous êtes dans une masse, vous devenez dépendant de chaînes d'interdépendance extrêmement longues. Vous n'avez qu'à regarder vous-même de combien de mots de passe et d'identifiants vous dépendez, de combien de guichets, pour vous rendre compte que indépendamment de vos traits personnels et de votre culture, vous êtes un être tout à fait singulier. Il n'y en a pas deux comme vous, hein. Ni comme moi, ni comme personne ici, dans ce studio. Voilà les deux facteurs qui vont effondrer tout le temps les structures autoritaires, et il faut s'en réjouir. C'est la raison pour laquelle j'appartiens à une nouvelle génération de révolutionnaires. C'est ceux qui misent tout sur la démocratie et sur les assemblées constituantes pour que le peuple définisse lui-même les droits qu'il se reconnaît et qui donc s'institue en tant qu'acteur politique dans l'histoire. Ça, c'est une stratégie politique nouvelle qui est née pour l'essentiel dans l'Amérique du Sud dans les années de rupture avec le néolibéralisme et que nous, avec la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne, les insoumis, on a développé et porté jusqu'à son terme. Et vous l'avez dit, c'en est fallu de peu qu'on y arrive. tranquillement avec des bulletins de vote. Néanmoins, Jean-Luc Mélenchon, certains disent aujourd'hui que même si on est toujours dans une démocratie représentative et qu'on peut choisir son prochain président de la République, lui-même serait condamné de toute façon à faire la même politique économique que ses prédécesseurs, parce qu'en étant dans la zone euro, on a abandonné la possibilité d'avoir une politique économique autonome et que, au fond, si aujourd'hui, Emmanuel Macron, hier, François Hollande ou avant Nicolas Sarkozy ont fait, semble-t-il, la même politique. En tout cas, c'est l'impression qu'en ont les Français, à base de réduction des services publics et de flexibilisation du marché du travail. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas tellement le choix. Ils ont le choix sur va-t-on hausser les impôts ou pas. Vous n'êtes pas d'accord sur cette vision? Ah, si, sur le diagnostic, je suis d'accord avec vous. Ils font la même politique parce qu'ils se soumettent à la même politique. Ils considèrent que les traités européens sont indépassables, que Mme Merkel incarne la raison. Tous ont dit « j'irai renégocier les traités ». Oui, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, ils ne sont pas parvenus. L'histoire, non, ils ne l'ont pas fait du tout. Ils n'ont même pas essayé. Vous n'avez pas trace dans l'histoire d'un seul instant où un de ces trois présidents que vous venez de nommer ait dit « écoutez, ça ne peut plus aller comme ça, bon, vous voyez bien qu'il n'y a rien qui marche ». Maintenant, ils seraient fondés à dire, bah, écoutez, non seulement ça marche pas, mais quand on demande aux gens ce qu'ils en pensent, ils s'en vont voir le Brexit. Donc, ils se sont soumis, mais il faut quand même aussi dire pourquoi. C'est parce qu'ils représentent les classes sociales intéressées à ce mode de fonctionnement. Qu'est-ce que ces traités instituent? Une monnaie qui ne peut pas bouger, donc qui garantit la valeur de la rente. C'est ça que ça garantit. Et c'est le cœur d'électorat de Mme Merkel. Et de l'autre côté, une politique de réduction de la surface de l'État social et du service public, de manière à confier au marché et donc à l'accumulation le moyen de payer ses rentes par capitalisation. Monsieur Taddeï, ces choses sont d'une simplicité absolue. Alors après, intervient un facteur dans l'histoire auquel vous devriez être sensible, après la question que vous m'avez posée il y a un instant. Ce facteur, c'est le facteur humain. Qu'est-ce que les gens ont dans le ventre? Parce que l'histoire ne s'est pas arrêtée avec les traités européens. Le Dieu n'est pas descendu sur terre pour nous dire, eh ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Je le dis par matière de plaisanterie, mais c'est un épisode dans l'histoire. Ça passera. On passera à autre chose le moment où il y aura des autorités politiques capables de dire non. Moi, je me sens capable de ça. Je l'ai dit à d'autres qui ne s'en sont pas sentis capables, comme Alexis Tsipras. Je me sens capable de le faire. Pourquoi? Ben parce que nous sommes une nation puissante. Et puis parce que je n'ai aucun intérêt aux intérêts qui sont servis par ces traités. C'est pas ma classe sociale, je n'y ai aucune attache. Par contre, pour moi, c'est très très très très important de développer l'investissement public, de passer à la planification écologique, de répartir la richesse pour qu'on cesse avec l'indigne pauvreté que l'on constate en Allemagne ou en France. Bon, monsieur Taddeï, il faut admettre que l'histoire est faite par les êtres humains. Et qu'il y en a qui n'ont rien dans le ventre et d'autres si. Ou bien il y en a qui sont attachés à une cause et d'autres à d'autres. Ce que je leur reproche est de mentir. Monsieur Hollande n'a jamais eu l'intention de combattre la finance ni de renégocier les traités. Il a pourtant dit le contraire. Mais il l'a dit, formellement, vous avez raison, il n'a rien fait. Monsieur Sarkozy a fait les gros yeux à Madame Merkel, mais enfin ils avaient en commun d'être tous les deux de la même politique et de la même droite. Quant à Monsieur Macron, il a fait toutes les sottises possibles, l'une derrière l'autre, qui ont suffi à faire comprendre à nos partenaires, on va mettre des guillemets, qu'ils n'étaient pas sérieux, parce qu'il acceptait toutes sortes de choses qui sont inacceptables. Il les a acceptées en cours de route, et il a cédé devant Mme Merkel. Mme Merkel, c'est une femme extrêmement pragmatique. Elle applique sa politique, point. Celle qui convient à la majorité, qui est la sienne politique, en Allemagne, à la majorité sociale. Alors, des grosses rentes. Et pour ça, il faut qu'il y ait de l'accumulation et beaucoup de dividendes. Donc ces gens préfèrent voir les routes déglinguer, les ponts s'effondrer, n'avoir aucun service public, mais du moment que ça garantit les revenus de cette petite catégorie sociale de rentiers gris et amers qui sont là. Alors c'est un pays où il y a de moins en moins d'enfants, où il y a moins en moins de joie de vivre, où il y a de plus en plus de pauvres, mais ils sont contents sur leur tas d'argent. Ce sont des comportements névrotiques, parce que si vous regardez un État comme la Bavière ou d'autres, l'état dans lequel sont les infrastructures publiques de ce pays, l'argent qui s'accumule, refuse de le dépenser. Ils refusent, ils vous le disent. Ils le disent dans les interviews, ils disent ah non, et puis de toute façon, c'est pas efficace, parce qu'il faut du temps pour que ça s'applique. Enfin, ces gens sont incroyables. Alors, voilà, c'est un temps de l'histoire. Il faudra tourner la page, on le sait tous. Ceux qui ne le savent pas sont en train de l'apprendre. Ils voient quelque chose qui va vous paraître éloigné. Un incendie en Australie. Personne ne sait l'arrêter. Mais pourquoi? Ben parce qu'il y avait de l'eau, mais on l'a vendu. au fonds de pension. Il y avait des pompiers, mais on a diminué leur nombre parce qu'il ne faut pas que l'État soit apporteur. Alors, c'est pas le capital qui a allumé le feu. Ah ben si, parce que la température monte du fait du productivisme. Bon, par conséquent, les gens, vous avez compris, si vous voulez cette politique, voilà ce que ça donne. Et ça donnera jamais rien d'autre. De même, moi qui suis élu de Marseille, je peux vous dire, il tombe de l'eau comme il n'en est jamais tombé. Pourquoi ? Parce que la Méditerranée se réchauffe plus vite que les autres mers. Donc, évaporation, précipitation sur une nature imperméabilisée par les constructions et par une nature physique, c'est pas l'Écosse, quoi, hein, le Grand Sud-Est, il n'y a pas la verdure, la capacité pour la terre d'éponger. Donc, la première fois, les égouts explosent, tout se détruit et tout le monde court pour réparer. La deuxième fois, on fait ce qu'on peut, on nettoie ce qu'on peut, puis la troisième fois, chacun se débrouille. Et on vous dit, responsabilisez-vous, achetez-vous une citerne, achetez-vous un groupe électrogène, monsieur Taddeï. Qu'est-ce que vous venez de nous saouler à vouloir à tout prix l'électricité? Et puis si vous n'êtes pas capable de faire des économies, prenez-vous-en à vous. Alors si vous êtes la pauvre personne qui n'en a pas les moyens, eh bien cette société vous dit, tu peux crever. Jean-Luc Mélenchon, jusqu'où vous remettez en cause le capitalisme? Est-ce que vous pensez qu'il faut en finir avec le capitalisme? Il ne nous a rien apporté? Ou au contraire, il faut le tempérer, comme on a su le tempérer à d'autres époques? Oui. Aussi bien Franklin Roosevelt que le général de Gaulle ont tempéré le capitalisme. Oui, tout le monde a oublié que la planification en France est une invention du général de Gaulle. Le capitalisme, ça a été un moment de l'histoire, il a changé de forme. On aurait tort d'en parler comme d'un sujet politique constant. Le capitalisme de notre époque n'a rien à voir avec le capitalisme, on va mettre des grosses guillemets, productif du 19e et du 20e siècle. L'essentiel du capitalisme de notre temps est concentré dans la sphère financière, où il réalise des taux de profit que vous n'aurez jamais aucune chance de réaliser dans la production réelle. Donc c'est ce capitalisme-là qu'il faut abattre pour commencer. Néanmoins, il y a aussi celui qu'on voit là. Il se trouve qu'il y a cette image derrière vous et derrière moi, avec ces fameux containers qui sont les emblèmes. Ça vous impressionne, hein? Les emblèmes de la mondialisation. Est-ce que vous vous rendez compte? D'abord, la mondialisation, c'est pas le bon mot. C'est les Anglais qui ont le bon pour une fois. Globalisation. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte que si énorme que soit cette image, eh bien, les échanges réels, c'est-à-dire ça, là, c'est 4000 fois moins que les échanges financiers. C'est-à-dire qu'en permanence s'échange une masse de titres qui ne représentent rien et qui surplombent toutes les productions, y compris ce que vous voyez derrière vous, y compris le statut des marins qui sont sur ce bateau, qui doit coûter le moins possible pour que, etc., etc., etc., les mêmes logiques. Par conséquent, ne vous laissez pas impressionner. Ce n'est pas ce capitalisme-là qui dirige, c'est le capitalisme financier. Ça ne veut pas dire que celui-là soit vertueux. Non, parce que vous avez remarqué les caractéristiques du capitalisme de notre temps. Il ne satisfait pas les besoins élémentaires des personnes. Il reste des milliards de gens qui mangent pas, qui n'ont pas d'eau potable ou qui sont pauvres. Mais il crée des besoins artificiels par la publicité. Il crée des besoins qui sont solvables et il ne répond pas aux besoins qui ne sont pas solvables, comme se nourrir, se vêtir, avoir de l'eau potable et le reste. Si bien que sur la Terre entière, nous sommes entrés dans une ère nouvelle, caractérisée par une population considérable. Nous sommes à 7 milliards d'êtres humains, et il faut savoir que l'humanité change de fond en comble chaque fois qu'elle double. Je suis né dans un monde où il y avait 2 milliards d'êtres humains, nous sommes 7, nous serons bientôt 11. Il n'y a pas besoin d'être un aigle en politique pour comprendre que la prédation qui s'exerce sur la nature, quel que soit le système social, est augmentée du fait qu'on est 11 milliards. Mais alors, quand la prédation a lieu dans le cadre du capitalisme de notre époque, c'est-à-dire de production de moyens de besoins extravagants, eh bien, il est clair que c'est un saccage. C'est plus que, et les auteurs du désastre sont eux-mêmes conscients du désastre, mais n'en peuvent mais que peuvent-ils faire sinon continuer comme ils faisaient? Si bien que on est à un tournant de la civilisation humaine. Vous savez, je préférerais que ça se passe bien, mais il est possible aussi que ça se passe mal. Les pluies qui tombent sur le Grand Sud-Est, à force de tout démolir, il va y avoir un moment où quelque chose s'écroule, et ça se passe dans plusieurs endroits du monde. Nous pouvons considérer comme un écroulement ce qui se passe en Australie. Les gens sont là, les bras ballants, à regarder le feu. Quoi faire, hein? Alors, le capitalisme est autant condamné par lui-même que par l'idée qu'on s'en fait. Pour ma part, je suis assez pragmatique. J'utilise ce qui me sert pour la politique que je veux faire. Alors, je suis un peu désolé, j'en profite, je vais encore essayer ici, de dire que le capitalisme productif français me désespère, me désole. Je suis même chagriné, d'une certaine façon, parce que je croyais que les patrons français, les patrons hein, qui dirigent des usines, des entreprises, étaient des gens plus, on l'a vu dans le passé, plus audacieux, plus créatifs. Et là, le capital financier se lance dans une attaque sur les retraites. ils se gorgent en ce moment, parce que quand il y a la grève, eux, ils s'en foutent, hein, les AGO continuent à tourner, les prêts continuent à tourner, le capital financier souffre pas une demi-minute. Tous les patrons productifs, par contre, c'est pas pareil. Les marchandises qui ne sont pas produites, qui ne sont pas transportées, qui n'arrivent pas à sortir des ports, ils sont en train, ils cotisent là, ils cotisent pour les financiers, les mêmes qui les étranglent. Parce que quand un patron productif fait des bonnes affaires, très vite, rapplique un LBO, c'est-à-dire une société de fonds d'investissement, qui vient, qui donne la grosse pièce, hein, et puis qui prend tout et qui saccage et qui vide de sa substance. Je suis chagrin de voir comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de capitaliste français pour racheter le chantier naval de Saint-Nazaire alors que les carnets de commandes sont remplis. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de capitaliste français pour racheter la TECOR et les équipementiers de la TECOR qui produisent un système qui permet de voir la nuit? C'est énorme, ces Américains qui vont acheter ça. Donc, je les trouve finalement assez parasitaires, comment dire, un peu inutiles. Alors, bon, voilà, comme disait un syndicaliste allemand, on trouve des ouvriers qui coûtent moins cher, on pourrait trouver des patrons qui coûtent moins cher, parce que cela coûte très cher et c'est déraisonnable. Alors, vous me direz, bon, des patrons, il y a des petits, des moyens, tout ça, c'est pas la même chose. Entre les patrons du CAC 40 et celui de l'entreprise de plomberie-maçonnerie de votre quartier, c'est pas la même chose. Mais il faudrait que les petits arrêtent de se prendre pour des gros parce qu'ils verraient mieux où est leur intérêt. Quand les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'omari changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier. Qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de biniou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors l'a dit, et gentiment, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'homard, il changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. PDG. Regardons au ras des faits. Nous avons un ancien président de la République qui s'appelle Jacques Chirac qui a été condamné. Son premier ministre qui s'appelle Édouard Balladur est mis en examen dans l'affaire Karachi. Son ministre de la Défense est mis en examen dans l'affaire Karachi. Le successeur de monsieur Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour une affaire, va être envoyé devant le tribunal correctionnel pour une deuxième et est pris dans la nasse de l'affaire des financements libyens dont vous avez montré l'ouvrage tout à l'heure. Son premier ministre, François Fillon, est mis en examen dans l'affaire que nous savons. Son ancienne ministre de l'économie, qui est aujourd'hui à la tête du FMI, a été condamnée devant la Cour de justice de la République dans l'affaire dite Tapie. L'ancien chef des services secrets intérieurs, M. Squarcini, est mis en examen dans une affaire de trafic d'influence de Sarkozy, a été... Écoutez ce constat. Écoutez, il faut regarder dans le miroir de notre nation ce que je dis. Il a été condamné. D'innombrables conseillers sont aujourd'hui également pris dans les filets de la justice et condamnés. À gauche, on n'a pas le monopole de la morale. Ceux qui pensent que la gauche a le monopole de la morale se trompent. Il suffit d'aller au sud, M. Guérini, aller au nord, M. Cucheda, le ministre du budget qui était un fraudeur fiscal, M. Cahuzac. Il y a le parti qui se goberge du tous pourri pour faire croire qu'il y a un tous pourri qui s'appelle le Front National, qui est cerné par 5 enquêtes judiciaires. Dites-moi quelle, et une liste non exhaustive, dites-moi quelle démocratie occidentale à ce CV judiciaire-là. Laquelle? Les États-Unis? L'Angleterre? Même l'Italie? L'Allemagne? Personne. Alors, moi je veux bien qu'on dise que les affaires, ce sont des épiphénomènes de la vie publique, qu'il faut mettre un peu de côté, que ça perturbe l'espèce de zone de confort de la conversation démocratique. Moi, je crois que c'est une grande alerte politique. Je crois que ça nous dit sommes beaucoup. Une exception en France? Je pense que ce que je viens de dire en termes de constat qui est non exhaustif doit nous alerter sur la gravité de la situation française et qu'il faut peut-être, de ce point de vue-là, arrêter de regarder les autres avec surplomb et se regarder en face pour faire notre examen de conscience. Vous parlez de l'affaire des financements libyens tout à l'heure. Je vous donne un exemple pour qu'on comprenne, que les gens qui nous regardent comprennent. C'est une affaire mondiale. Corruption internationale, des paradis fiscaux, en veux-tu, en voilà, avec des conséquences géopolitiques, la guerre, bon. Il n'y a pas un juge d'instruction détaché à temps plein sur le dossier. Il n'y a pas un procureur détaché à temps plein sur le dossier. Il n'y a même pas un policier. M'entendez ? Il n'y a pas un policier détaché à temps plein sur le dossier. Pourquoi, bon. Selon vous ? Mais parce que la classe politique de droite, de gauche, tout ça n'est pas un propos idéologique, ne prend pas la conscience des enjeux de la lutte contre la corruption qui sont, de mon point de vue, aussi importants, pas plus, mais pas moins, que les enjeux contre le chômage ou contre les déficits publics. D'ailleurs, c'est parfois lié. Il faut quand même avoir conscience que la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la justice supranationale, hein, c'est la justice au-dessus de la justice des justices nationales en Europe, a quand même dit que les procureurs en France ne peuvent pas être considérés comme des magistrats parce qu'ils ne sont pas indépendants. Vous vous rendez compte, l'humiliation. Bon, et ça, ça veut pas dire que les procureurs sont tous vendus au pouvoir. Non, mais ça veut. Mais attendez, laissez-moi terminer. Ça veut dire que dans un écosystème où, quand vous devez le dérouler de carrière à l'autorité supérieure, qui est l'autorité politique, qu'il y a un lien direct de subornation au pouvoir politique et au procureur, sur les affaires, le petit nombre d'affaires de corruption qui concernent le pouvoir politique, le pouvoir exécutif, ça peut créer un certain nombre de censures ou d'autocensures judiciaires. Et c'est pour ça que, notamment, la Cour européenne des droits de l'homme vient nous taper sur les doigts, et c'est un peu honteux pour la France. Oui. Sans compter que ces gens-là, entre guillemets, et encore une fois, je ne les mets pas tous dans le même panier, votent des lois pour s'auto-protéger. Je rappelle quand même qu'il y a une loi qui est passée il n'y a pas longtemps sur la prescription des délits par ruse, qui est passée de 10 ans à 12 ans, et qui est passée du fait que maintenant, la prescription démarrait au moment du délit, et non au moment où on découvre le délit. C'est-à-dire que vous faites un délit par ruse dans l'an 2000, vous le découvrez en 2011, vous avez un an avant la prescription, alors qu'avant c'était à partir de 2011 que la prescription courait. Ces gens-là se votent des lois pour s'auto-protéger. Et c'est pas, et il faut pas inverser les règles en plus. Il y en a marre de dire que c'est la faute de l'électeur. C'est la faute, mais un bon escroc, il est sympathique. Un bon escroc, ça c'est mentir. Un bon escroc, ça vous trouve de boulot dans la commune. Un bon escroc, ça c'est vous rendre redevable. Et quand vous vous rendez compte que les bons escrocs en général, dans ces mairies-là, personne ne se présente contre ces gens-là, puisqu'ils sont sûrs d'être élus. Donc ce ne se présentent que des seconds couteaux. Mais si, monsieur Miard, arrêtez de faire l'amour, on vous connaît. Parce que les réformes qu'on a posées, c'est des réformes de que dalle. Aujourd'hui, c'est vachement bien. Les anciens députés ne peuvent plus prendre le train gratuitement. Oh, c'est grave, on en a parlé partout. Mais le verrou de Bercy, personne n'en a reparlé. On s'est dispensé d'aller même jusqu'au bout des promesses d'Emmanuel Macron, parce que ça a été rappelé tout à l'heure. Effectivement, le casier judiciaire vierge, c'est un privilège pour les élus par rapport à 400 professions où on demande un casier judiciaire. Même pour être maître chien, il faut un casier judiciaire. Là, on dit non, c'était un problème constitutionnel. Ce qui est un mensonge. C'est vrai ? Oui, mais non, c'est un mensonge. C'est un sujet. Excusez-moi, c'est un mensonge. La loi a été déposée le 1er février 2017. J'ai participé à la rédaction de cette loi. Je veux dire, on est face à un truc. Alors, M. Macron nous explique qu'il est devant un pénalty, d'accord ? Il a un but à tirer, et il ne le tire pas parce qu'il n'est pas sûr que le but va rentrer. C'est quoi ce truc ? Pourquoi il n'a pas posé la loi au Conseil constitutionnel ? Aujourd'hui, la loi est en train de dormir au Sénat. Il suffit qu'un groupe la prenne et qu'il la pose au Conseil constitutionnel. On avait tout mis dans cette loi. Comment vous expliquez cette reculade ? Mais parce qu'ils se couvrent les uns les autres, chère madame. C'est pas plus compliqué que ça. Les gens qui sont au haut de la pyramide n'ont pas envie. Aujourd'hui, il y a des affaires qui vont tomber. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont être condamnés. Le problème, c'est que on ne se donne pas assez les moyens collectivement. C'est pas des questions de droite ou de gauche, tout ça. Il y a une idée du bien commun dans la conversation que nous avons institutionnellement, légalement, de manière citoyenne. Il devrait y avoir 3 millions, 4 millions de personnes dans la rue pour se plaindre de la situation et du CV judiciaire de la France que j'ai dit tout à l'heure. Pour régler, ça nous concerne tous. Quand tu chantes, je chante. Souviens-toi des jours. Depuis 3 mois, les Français manifestent dans la rue, en chanson, en danse, contre la réforme des retraites. Depuis 3 mois, ils se battent contre une réforme qui les fera travailler plus longtemps pour des pensions de misère. Et cette réforme ne vient pas de nulle part. Elle est directement inspirée des recommandations de la Commission européenne et de sa procédure de contrôle budgétaire. J'ai là les recommandations faites par la Commission européenne à la France. Et c'est écrit noir sur blanc, page 6, que je prends ici. La réforme du système de retraite pourrait alléger la dette publique. Comprendre, il faut faire des économies sur notre système de retraite. Et c'est exactement l'ambition du système français. Mais la Commission ne s'arrête pas là. Page 5, on peut lire « La baisse de la dette publique dépendra de la capacité du gouvernement à réaliser les objectifs de dépenses fixés pour le système de retraite ». Comprendre ? La santé publique coûte trop cher. Résultat, 17 500 lits fermés en 6 ans et des soignants en grève depuis un an qui crient leur désespoir face à l'abandon de l'hôpital public. Dans les recommandations de la Commission, il en va ainsi pour l'ensemble de nos services publics, la protection sociale, le niveau de salaire minimum, des économies, toujours plus d'économies. Et bien entendu, des baisses d'impôts pour les plus riches et les grandes entreprises, exactement ce qu'applique avec zèle le gouvernement français d'Emmanuel Macron. Toute cette procédure du semestre européen repose sur un seul objectif, la sacro-sainte limite à 3% de déficit. Une règle fixée un jour sur un coin de table qui n'a aucun fondement économique et qui est d'ailleurs même critiquée par les économistes les plus libéraux. La Commission européenne s'interroge aujourd'hui sur la pertinence de ces règles. Il était temps. Mais si la révision s'en tient seulement, comme ça semble annoncer, à l'intégration des objectifs du développement durable des Nations Unies, autant pisser dans un violon. C'est toute l'architecture de la gouvernance économique européenne qu'il faut revoir pour répondre aux deux défis de notre temps, la crise des inégalités et la crise climatique. Cette révision du semestre européen ne peut être cosmétique, car l'austérité ne sera jamais ni écologique ni sociale. Merci. Dans le camp nazi, on s'agite, on s'énerve, nerve, nerve, c'est pas marrant. Tout l'optimisme qui restait en conserve, serve, serve, affiche le camp. Les clameurs nationales socialistes n'éviteront pas que bientôt toutes les fripouilles collaborationnistes se retrouveront sur le carreau. Ça vient et ça s'apprête, mais oui messieurs, vous l'avez dans le dos. Fini la chansonnette, la croix gammée, vous l'avez dans le dos. Ce que vous pourrez dire et faire n'empêchera rien, vous l'avez dans le dos. Car de toutes les manières, l'ordre nouveau, vous l'avez dans le dos. Je voudrais définitivement demander à monsieur le rapporteur de se contenter de contre-argumenter, mais de cesser de balayer les arguments de l'opposition en prétendant que ce serait de fausses informations, une manipulation de l'opinion. Parce que très franchement, monsieur le rapporteur, en matière de manipulation de l'opinion, vous êtes les grands champions. D'abord, c'est vous. Chut, on laisse parler, s'il vous plaît. C'est vous qui avez créé. S'il vous plaît, on laisse parler les orateurs. C'est vous qui avez créé autant de régimes spéciaux qu'il y a d'entreprises. C'est vous qui vous apprêtez à créer autant de régimes spéciaux qu'il y a de générations. C'est vous qui nous parlez d'universalité alors qu'il n'en est rien. C'est vous qui nous parlez d'un euro qui conférerait les mêmes droits alors qu'il n'en est absolument rien. Donc en matière de fausses informations, ça suffit. Qui plus est, je rappelle, parce que la répétition fixe la notion, que vous nous avez fourni une étude d'impact qui est truquée. Vous avez gelé... Non mais, vous marrez, mais quand même... On ne se marre pas du tout, s'il vous plaît. Stop, ça suffit maintenant. Vous nous prenez pour des imbéciles. Vous nous prenez pour des imbéciles, en plus vous vous moquez de nous. Monsieur Quatennens... Écoutez-moi. Allez, hop. Bon, chers collègues, en agissant comme nous le faisons depuis le début, nous ne faisons que relayer une colère majoritaire dans le pays contre votre projet de retraite. C'est vous qui défendez un projet de loi en contradiction avec les engagements présidentiels et qui est minoritaire dans ce pays. C'est vous qui preniez les Français pour des imbéciles en leur vendant une réforme juste, simple et pour tous dont il n'est rien et qui ne consiste qu'à les faire travailler plus longtemps et les encourager à la capitalisation. C'est vous qui avez remis aux parlementaires une étude d'impact truquée et des cas types aux Français qui ne permettent même pas de se repérer. Donc, s'il vous plaît, de grâce, remballez définitivement vos leçons de démocratie. Vous appelez de vos voeux un débat de qualité, allons-y. Je veux bien jouer le jeu lors des prochains amendements. Parce que nous avons depuis le début fait des contre-propositions. Nous avons à votre disposition un contre-projet qui répond à la commande d'Édouard Philippe, qui est prêt à entendre toutes les modalités venant des parlementaires qui permettent l'équilibre financier. Je lui ai remis en main propre un contre-projet que nous avons depuis des mois, qui est financé et qui est chiffré. Alors à partir de maintenant, tous les amendements que nous allons défendre, nous aurons un débat de fond. En tout cas, moi, je m'y engage. Mais dans ce cas-là, vous répondez aux questions des parlementaires. Merci, Monsieur Cotenin. Je termine. Vous répondez aux questions des parlementaires. Merci. Et il lui a coupé deux fois. Parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. J'ai observé de curieuses réactions quand ma collègue Clémentine Autain a évoqué la prolongation du régime spécial de retraite des ministres du culte concordataires. Je ne comprends pas pourquoi vous réagissez avec un sourire étonné. Mais il y a des gens ici dans cette salle qui sont des laïcs conséquents, qui veulent la séparation de l'Église et de l'État, et la veulent aussi pour le régime concordataire. Et je m'empresse de dire tout de suite, pour m'éviter les habituels amalgames qui ne servent à rien, que quand je parle de concordat et de régime religieux, je ne parle pas du régime social spécial d'Alsace-Moselle. Parce que s'il y avait quelque chose à faire, c'est d'étendre à toute la France le régime d'Alsace-Moselle en matière de sécurité sociale. Donc je parle des prêtres. Et si mes souvenirs sont bons, pasteurs protestants et peut-être même les rabbins. Il n'y a pas dedans les imams. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la variété du culte, je tiens à dire notre opposition à ce que le régime concordataire soit prolongé dans ces départements. La laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. C'est dans une loi. La lettre de la loi dit les choses très précisément. La République ne reconnaît et ne salarie aucun culte. Le concordat et ce que vous êtes en train de voter salarie et reconnaît trois cultes. Par conséquent, cette disposition n'est pas conforme aux lois sur la laïcité de ce pays, elle prolonge inutilement un concordat. Quant au reste, collègue, je vous l'ai dit, votre invention du statut social est le meilleur statut social qu'on puisse imaginer pour la France. Le statut d'Alsace-Moselle devrait être étendu à toute la France. Vous êtes en train de voter le contraire en ce moment avec les retraites à points, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, ni la sécurité sociale en Alsace-Moselle, et votre système est bien meilleur que celui que vous êtes en train de voter. Je voudrais rassurer mes deux collègues dans mon esprit. L'Alsace et la Moselle sont très françaises, c'est-à-dire polémiques et divisées, comme tout le pays, sur tous les sujets. Il y a donc de nombreux Alsaciens, de nombreux Mosellans, qui ne sont pas contents du régime concordataire et qui ont déjà eu l'occasion de le dire dans des tribunes et d'exprimer. On n'est pas en train de s'en prendre à l'Alsace et à la Moselle. C'est tout le contraire. On veut la même loi pour tout le monde. D'accord ? Il y a une manière de défendre les spécificités qui finit par être un peu suspecte. Mais puisque ce pays ne cesse de traiter dans tous les sens de la question de la laïcité, pour être crédible, il faut qu'il le soit en toutes circonstances et sur tous les sujets. Sinon, on finit par dire que ça ne concerne qu'une seule religion. Ce serait une erreur, croyez-moi, collègue, on n'est pas hors sujet, là. Hein. On donne encore un signal, et comptez sur moi pour le faire connaître. Parce qu'il faut abolir le concordat, parce qu'il résulte de l'occupation par les Allemands de la France. Voilà d'où vient ce concordat sur les religions. Et au passage, vous n'évoquez pas le statut de la Guyane, ou c'est un statut de Charles X, etc. Qu'est-ce qu'ils deviennent tous ces-là? Moi, j'estime que j'ai droit à une réponse. Même si on n'est pas du tout d'accord avec moi, j'ai au moins droit à une réponse. Il se peut que je vous déplaise en peignant la réalité, mais si j'en prends trop à mon aise, je n'ai pas à m'en excuser. Le monde ouvert à ma fenêtre, que je referme ou non l'au vent. S'il continue de m'apparaître, comment puis-je faire autrement? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, comme à l'eau claire le torrent, comme au ventre l'enfant à naître et neige la fleur au printemps. Le monde ouvert à ma fenêtre, avec sa tulie, ses horreurs, avec ses armes et ses reîtres, avec son bruit et sa fureur. Je ne chante pas pour passer le temps. Mon Dieu, tout assumé, l'odeur du pain et de la rose, le poids de ta main qui se pose comme un témoin du mal d'aimer. Le cri qui gonfle la poitrine de Lorca, Mayakovsky, des poètes qu'on assassine, ou qui se tue pourquoi, pour qui? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, et que je brise ou non la glace, s'il continue de m'apparaître, que voulez-vous donc que j'y fasse? Mon cœur, si tu t'arrêtes, comme un piano qu'on désaccorde, qu'il me reste une seule corde, et qu'à la fin mon chant répète. Je ne chante pas pour passer le temps. La revue de presse. Alors, la revue de presse, eh bien, que s'est-il passé? On va se limiter au titre, parce qu'il y a tellement de journaux en retard que, bah, il faut quand même que j'élimine un peu de volume. Allemagne, droite. Tiens, Allemagne, droite. Voilà deux mots qui vont plus ou moins ensemble. Ça dépend des époques. Crise politique au sommet. La présidente de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, renonce à se présenter pour succéder à Angela Merkel à la chancellerie. Un départ révélateur de la crise chez les conservateurs allemands face à l'extrême droite. Alors ça rappelle des mauvais souvenirs. Des mauvais souvenirs, oui. Moi, j'en connais comme ça qui sont allés faire du tourisme en Allemagne pendant 5 ans, qui sont allés travailler en Allemagne gratuitement. C'était même pas 1 euro de l'heure, à l'époque l'euro n'existait pas, c'était même pas 1 euro de l'heure, c'était une gamelle de soupe, et encore très claire, avec du ratat bagage. J'en connais un, rien que l'odeur de la cuisson des navets, ça lui coupait l'appétit. Hein, il était pourtant pas difficile sur le casse-croûte, hein. Mais ça, l'odeur du navet, non. Dans 5 ans à subir ça, le navet, et le ratat bagage qui est encore pire que le navet. Hein, enfin bref. Vosges, on défend notre école publique. Réunis devant la direction des services départementaux de l'éducation nationale, des représentants du personnel FO, SNES, FSU ont boycotté une deuxième fois le comité technique spécial départemental CTSD qui s'est tenu ce lundi 10 février à Épinal. Voilà, ben oui, parce qu'ils en ont marre du dialogue social à la Macron, qui n'est pas un dialogue social. À David, des améliorations suite à la grève selon la CFDT. Tiens, la CFDT, elle existe encore? Ah bon? Moi, je croyais que c'était plus un vrai syndicat, je croyais que c'était même plus un syndicat même. Ah ben peut-être qu'ils vont sortir de leur trou. Eh oui, le temps d'affûter les baïonnettes et puis de nouveau, ils seront combatifs. La tempête Ciara frappe la toiture de 2 établissements scolaires. Eh oui, que ça va partir bien que ça à l'école, hein. 2 établissements scolaires, la toiture qui s'envole. Bon, peut-être qu'on, pour les établissements scolaires, peut-être qu'on fait on fait du léger, hein, oui, on va pas faire du lourd et du solide, hein, les établissements scolaires, bon, vous savez, on a construit des écoles provisoires, par exemple, au Rumont, il y a une cinquantaine d'années, et puis ensuite, ben, on les a démontés, les bâtiments provisoires, ben oui, puisque les enfants étaient partis, il y avait de moins en moins d'enfants, il y a de moins en moins de naissances, eh bien, voilà, C'est ça l'avantage des bâtiments construits en léger. C'est que c'est démontable, on peut remonter ailleurs ou pas remonter du tout, voilà. Alors, la centrale photovoltaïque à l'ordre du jour des élus, c'est à Golbey. Au cours de la dernière réunion du conseil municipal, les élus ont évoqué la nouvelle centrale photovoltaïque qui prendra place à l'intérieur de l'ancienne déchetterie. Une infrastructure dont la production devrait monter à 6630 MWh par an. Vous entendez ça? 6630 MWh par an. Eh ben oui, voyez. Et puis, c'est pas dangereux du tout. Il n'y a pas de retombées radioactives. Il n'y a pas de cendres, il n'y a pas de carbone, il n'y a pas de... Voilà, c'est... Hein, c'est du soleil transformé en électricité, tout simplement. Alors, cap à venir, engagé pour faire de l'emploi un droit. Pour faire de l'emploi un droit, vous entendez ça? C'est pas tilulut, ici Londres, mais pour faire de l'emploi un droit. Une douzaine, de personnes qui ont assisté vendredi matin dans la structure du CSAL, Comité Social et Culturel d'Art et Loisirs de la rue du Marché, à une réunion autour du thème « Territoire zéro chômeur de longue durée ».« Territoire zéro chômeur de longue durée ». Ah, voilà le couplet d'une chanson qu'il faut que l'on apprenne par cœur pour le répéter à monsieur le maire, à monsieur le conseiller départemental, à monsieur le président du conseil départemental, à monsieur le député, à monsieur le sénateur, à messieurs, mesdames, les ministres, etc. Territoire zéro chômeur. Territoire zéro chômeur. Ah, quel est le premier territoire qui arrivera à faire ça? Quel est le premier territoire qui essaiera de faire ça et qui réussira? Ah oui, il y a les élections municipales bientôt. Ça serait le moment de montrer ce qu'ils valent, ce qu'ils peuvent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Oui, oui, oui, ça serait le moment. Des actes, des résultats. Avocate pénaliste au barreau de Paris, la meusienne Marie Dosé, vient de publier Les victoires de Daesh. Les victoires de Daesh. Un livre dans lequel elle dénonce l'attitude de la France face aux femmes et aux enfants français détenus dans le nord Est syrien. Alors, il y a un titre qui apparaît en vert dans l'article qui fait une page complète. En laissant ces femmes là-bas, virgule, on va repeupler les rangs de Daesh. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent, nos politiques? Qu'est-ce qu'ils font? À quoi ils servent? À quoi est-ce que ça sert qu'on les élise et qu'on les paye aussi cher, si c'est pour ne rien faire? Le Grand Est ne fait pas assez de bébés. Eh ben oui, bien sûr, c'est normal. C'est normal. Faire des bébés pourquoi? Pour en faire des chômeurs? Ah, faire des bébés pour faire des chômeurs? Eh non, on ferme la maternité, plus de bébés. Bon, après on peut fermer les écoles maternelles. Et puis deux, trois ans après, on ferme les cours préparatoires, et puis etc. Et puis il arrive un moment où il n'y a même plus besoin de boucher les trous dans les rues ou sur les routes. Il n'y a plus de Français, il n'y a plus d'habitants, c'est le calme plat, la nature reprend ses droits. Et finalement, la Terre, elle ne s'est jamais aussi bien portée que quand les humains ne la ravageaient pas. Eh oui, oh, c'est peut-être une solution, finalement, stopper les naissances pour pouvoir stopper tout le reste, toutes les souffrances qui y suivent, qui vont derrière. « Je ne veux pas qu'on s'installe dans l'antinucléaire », déclare Macron. « La protection de l'environnement passe-t-elle par une baisse du parc nucléaire ?» Point d'interrogation. « Le nucléaire fait partie de la solution écologique », dit-il, cet homme-là. « Il rend la France moins dépendante des hydrocarbures et permet de produire une énergie décarbonée. » Décarbonée. Oh, oui, c'est décarboné, le nucléaire. Hein. Ah oui, la production d'électricité, c'est décarboné. Sauf que, pour fabriquer les centrales nucléaires, il a fallu fabriquer des tonnes et des tonnes d'acier spéciaux, etc., qui consomment énormément, qui produisent énormément de gaz carbonique. Et puis, il a fallu produire aussi des tonnes et des tonnes et des tonnes de béton, qui, eux, produisent énormément de gaz carbonique. Énormément. Oui. Énormément de gaz carbonique. Alors, quand on dit que le nucléaire, c'est pas carboné, eh ben, tiens. Regardez voir d'un peu plus près, messieurs. Fabrice Pizias à Épinal. Notre ville ne manque pas d'atouts. Eh ben, tant mieux. Espérons qu'il va être élu, Fabrice, et qu'il va faire des miracles. Hein, parce que la ville d'Épinal, elle a bien besoin. Quand on passe dans les rues, on voit beaucoup de magasins fermés. On voit des gens qui dorment dans la rue. Eh oui, des gens dans la rue, à Épinal. Eh oui. C'est pas à Mirmont qu'on verrait des choses pareilles, hein. Non. À Mirmont, tout le monde est riche. Tout le monde a du travail. tout le monde va bien. Les magasins se plaignent pas de, hein, du fait qu'il faut vendre à presque à perte. Hein. Eh oui, ben oui, pour arriver à vendre quand même, il faut vendre, il faut baisser les prix. Eh oui. Parce que le pouvoir d'achat des salariés et des chômeurs, il a tellement baissé depuis des années que maintenant, ben, un marchand, c'est pas un métier facile, hein. Commerçant, ça devient de plus en plus difficile. Payer les cotisations de retraite pour plus tard quand on sera, eh oui, oui, c'est dur. Et après, quand on se retrouve en retraite et dans la misère, après avoir été commerçant, c'est doublement frustrant. Un Macron vert rafraîchissant. Un exemple, Macron vert a ainsi effacé le plan hydrogène de Nicolas Hulot. Eh oui, on était sur un investissement de 100 millions d'euros par an qui ont rétréci à 20 millions, dilués dans le fonds mobilité de l'ADEME qui doit dilater son staff là où il faudrait recruter des ingénieurs. Ben oui, on recrute des cadres au lieu de recruter des ingénieurs et des ouvriers. Et comment voulez-vous que l'industrie soit productive? Plus. Ainsi, près de chez nous, quand la Suisse, le Suisse H2E, futur champion européen de l'hydrogène. Alors, le Suisse H2E, futur champion européen de l'hydrogène. Futur champion européen de l'hydrogène. Lance un appel d'offres pour développer 1600 semi-remorques et camionnettes pour les supérettes Migros. Ce n'est pas l'État actionnaire de Peugeot qui répond, mais le Coréen Hyundai. Messieurs Hulot et Macron, nous promettez une France leader mondial de l'hydrogène. Messieurs Hulot et Macron, nous promettez une France leader mondial de l'hydrogène. Comme on dit à Chamonix, la réalité est plus glaçante. Eh oui. Aucun jeune ne doit rester sans qualification. Chiche. Un rapport remis au Premier ministre formule 30 préconisations pour clarifier et rendre plus efficaces les dispositifs de lutte contre le décrochage et le retour en formation des 16-18 ans sortis de l'école sans qualification. Mise à feu espérée pour septembre. Vous pouvez faire toutes les formations que vous voulez, donner les meilleures qualifications aux jeunes s'il n'y a pas de travail à la sortie. Eh oui! S'il n'y a pas de travail à la sortie, à quoi ça sert? S'il n'y a pas de travail, faut fermer les maternités et les écoles et puis les magasins. Ça ne servira plus à rien s'il n'y a plus d'humains. Social, nouvelle mobilisation des médecins et paramédicaux. Il faut revaloriser l'hôpital qui est à l'agonie. Alors ça, c'est l'hôpital qui est à l'agonie, ça c'est vraiment, c'est un comble quand même. Hein, l'hôpital qui est à l'agonie, vous vous rendez compte un peu? Les titres. Social, le taux de chômage a encore baissé en 2019. Le taux de chômage a encore baissé en 2019. Vous rendez compte un peu les conneries, hein? Ouais. Et si on avait dit ça aux ouvriers allemands, aux chômeurs allemands en 1932-33, que le chômage a encore baissé. Ben oui, ils vous auraient pas cru et ils auraient quand même voté pour Adolf Hitler. Eh oui. Et ils s'apprêtent à faire quoi comme vote maintenant, les chômeurs français, hein? Comment ils vont voter le prochain coup? Comment ils vont voter? Parce que la fois précédente, on a eu à choisir entre la peste et le choléra. Les gens ont choisi le choléra. Ouais, et la prochaine fois, qu'est-ce qu'ils vont choisir les gens? Ils vont choisir de donner un grand coup de pied à la fourmilière. On sait comment ça s'est passé. Hein. Les gens qui ont voté pour Hitler en 33. En 39, ils étaient en uniforme avec un Moser sur l'épaule, un casque sur la tête, et ils marchaient à travers l'Europe pour faire des conquêtes. Eh oui. Et il y a eu un Allemand sur six qui est mort des suites de la guerre. Un sur six. Vous vous rendez compte? Vous comptez, vous regardez vos voisins, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah, celui-là est mort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, celui-là aussi. Eh oui, oui. 65 millions, peut-être 70 millions de morts suite à la Deuxième Guerre mondiale. Parce que les gens ont mal voté. Et ils ont mal voté, pourquoi? À cause du chômage. Eh oui, ceux qui jouent avec le chômage parce que ça leur rapporte, ils sont doublement, triplement criminels. C'est-à-dire qu'il faudrait les aligner et puis rendre une justice populaire, radicale, etc. Susceptible de foutre la trouille à tous les autres. Voilà. Alors, chômage, 18,9% ici, 18,3% là, 8,4% là, etc. C'est 12,1%, 12,2%. Ça dépend des départements, ça dépend des régions. Mais tous ces chiffres-là, ils sont faux parce qu'il y a une partie des chômeurs qui ne sont pas comptés. Ah ben oui, parce qu'on triche avec les chiffres, bien sûr, quand on est au pouvoir. Et on a 10% de chômeurs, c'est-à-dire 6 millions, comme il y avait en Allemagne dans les années 1930. Hein. Eh oui, pareil. Et la population allemande, à l'époque, c'était 60 millions d'habitants. Nous sommes à 60 millions. Donc, on a le même pourcentage, on est dans la même situation, à peu de choses près. Donc, le comportement des électeurs, il peut très bien être ressemblant. La mauvaise nouvelle, la montée de ce que l'INSEE appelle le halo du chômage, vous voyez, c'est flou, halo du chômage, hein, pour désigner toutes les personnes désireuses de retrouver une activité sans pour autant être considérées comme chômeuses. Ah, bon, tout ça, c'est du baratin de la pire espèce. Ça mérite une fessée déculottée devant toute la classe. Un député qui reçoit la fessée déculottée devant l'Assemblée nationale, ou un ministre devant le Palais Bourbon, ou devant où vous voudrez, une fessée déculottée, comme ça. C'est pas méchant, ça fait pas très mal. Si, au moral, ça fait mal quand même. La fierté de ces gens-là, elle serait gravement, gravement blessée. Hein. Ah oui. Et tout d'un coup, vous voyez, ils deviendraient efficaces. Ah oui, oui. Papa cucu, hop, les résultats sont là. 10 ministres le 20 février pour un sommet sur la ruralité. Ah oui, ils vont venir dans les Vosges, les 10 ministres. Rendez compte un peu. Ah oui, oui. Alors, faut donner des pièces jaunes, hein, pour payer le déplacement. Ah oui, oui. Et puis alors, les résultats, on va avoir des résultats après, c'est sûr. Hein. Vous allez voir, le nombre de chômeurs, il va baisser radicalement. Ah oui. Classe prépa, la Lorraine au tableau d'honneur. Le lycée Henri Poincaré à Nancy se paye le luxe de devancer Henri IV et Louis le Grand en prépa lettres et sciences humaines selon les classements du Figaro. Ah, Figaro. Figaro aussi. Et de l'étudiant. D'autres lycées lorrains se situent aussi plus colorablement. La France ne se limite pas à Paris. C'est court, c'est clair et c'est dit. Voilà, c'est bien. Et tous ces gens-là, eh bien, ça fera des ministres, ça fera des députés, ça fera des sénateurs, ça fera pas des chômeurs, ça c'est sûr. Plus que t'as diplôme, moins que t'as de chance d'être chômeur. Enfin, c'était comme ça il y a quelques années. Maintenant, les diplômés, ils commencent à être trop nombreux aussi. Eh oui. Alors même là, il va y avoir du chômage. Même là, même. Oh là là, dans les bac plus X, il va y avoir du chômage. Eh oui, il y en a déjà, mais ça se voit pas trop pour l'instant. Eh oui, ils sont discrets. Hein. Ben, dis quand même, la fierté. La Légion pour Blondie, femme de guerre. Antoinette, 95 ans, a été décorée de la Légion d'honneur ce vendredi à Besançon. Un moment émouvant pour celle qui, sous le feu nazi, combattait. Elle a fait partie des premières femmes soldats. Eh oui, pendant ce temps-là, il y avait des hommes qui se planquaient. Oui, il y a des femmes qui ont fait de la résistance, pas mal même. Elles étaient très courageuses. Les hommes, c'était 5% de la population qui a fait de la résistance à peu près. Comme disait De Gaulle, à Londres, dans la résistance, j'ai vu des marins pêcheurs. Ah, beaucoup de marins pêcheurs. Ils sont venus avec leur bateau. Et puis j'ai vu des petits cultivateurs, j'ai vu des ouvriers, etc. Mais des banquiers, pas beaucoup, hein. Ah non, les banquiers, ils faisaient des affaires. Oui. De 1939 à 1945, il y a des banquiers qui ont fait des affaires. Oui. Il y a même des banques qui ont dû changer de nom, plus ou moins. Voilà. Des journaux aussi qui ont changé de nom. Hein. Eh oui. L'Express de l'Est qui est devenu la Liberté de l'Est. Voilà. Hein. Alors, dans le cadre du Festival des métiers et de l'orientation, a été organisée une nuit de l'orientation. Ce vendredi 14 février, l'événement s'est tenu au centre des congrès d'Épinal. Le festival est ouvert jusqu'à 16h ce samedi. Voilà, c'est du passé. Mais ne faisons pas table rase de ce passé-là, parce que il va y avoir des fruits à récolter, c'est sûr. C'est sûr que le nombre de chômeurs va diminuer. Suite à ce genre d'action, il y aura de moins en moins de chômeurs. Eh oui! Nos politiques, contrairement à ce que j'avais l'air de dire tout à l'heure, nos politiques, ils se remuent le tempérament, et ils font des choses, et ils obtiennent des résultats. Et ce sont des gens qui sont très humains. Humains, ils sont. Tout simplement, il n'y a même pas besoin de traits. Ils sont humains. Vous entendez? Humains. Ah, c'est bien ça quand même, hein. Alors, économie automobile, Renault prêt à fermer des usines. Le constructeur automobile au Losange a annoncé qu'il pourrait supprimer des usines dans le cadre d'un vaste plan d'économie après avoir enregistré sa première perte depuis 2009. Sa première perte. Et les autres marques, les marques concurrentes de Renault, Peugeot, Citroën, etc., ils enregistrent des pertes aussi. Et monsieur, comment il s'appelle déjà, hein, qui était au Japon, là. Qu'est-ce qu'il en dit, lui, tout ça? Bon, allez, faut pas rire. Faut pas rire, c'est trop grave. Alors, Griveaux renonce. Séisme dans la campagne des élections municipales et sur la vie politique française. C'est un séisme, vous rendez compte un peu. Le candidat macroniste Benjamin Griveaux, j'ai failli dire Benalla. Ben non, Benalla, il est en prison. Hein? Non, pas encore. Oh, ça devrait pas tarder. C'est comme Sarkozy, ça devrait pas tarder non plus. Hein? Ben oui, puisque, comme il s'appelle déjà, Balkany a libéré une place, et il faut l'occuper, cette place-là. On ne va quand même pas payer les gardiens de prison pour rien, et puis payer du chauffage, et l'éclair. Oh, ben non. Le candidat macroniste Benjamin Griveaux s'est retiré de la campagne pour Paris, dénonçant les attaques ignobles, entre guillemets, attaques ignobles, après la diffusion d'une vidéo sexuelle. Cet épisode pose question sur l'état de la démocratie confrontée aux réseaux sociaux. Ah, bon. Oui, bon, ben, moi ça m'énerve, ça me fait rire et puis ça m'énerve en même temps, la vie de ces gens-là, hein, ces gens-là qui s'amusent à se moquer des gens et à les mettre dans la misère. Les soutiens du centre hospitalier ne baissent pas les bras, c'était à Remiremont Santé, c'était le vendredi 14 février 2020. Oui, il y avait du monde, mais le dixième de ce qu'il aurait dû, le dixième, ah oui, parce que, bref, il y en avait un qui disait pour rigoler que ceux qui n'étaient pas venus à la manif, quand ils se présenteraient aux urgences, eh ben, ils passeraient à la fin, on ferait d'abord passer les grévistes, les manifestants, en premier, ils seraient prioritaires, et puis les autres, ben, on les ferait passer quand on aurait le temps, eh ben oui, hein, faut savoir ce qu'on veut, hein, dans la vie. Ouais. Près de 250 manifestants se sont retrouvés ce vendredi après-midi au centre hospitalier de Remiremont pour soutenir le personnel de l'hôpital public dans son ensemble, de l'hôpital public. L'hôpital public, c'est important, public, hein, dans son ensemble. Un rassemblement qui s'est poursuivi dans la rue entre l'établissement et la gare. Déjà 248 jours de grève aux urgences. 248 jours de grève aux urgences. Hein. Il y a des gens courageux, il y a une minorité qui est de gens qui sont très courageux, et puis la majorité, bah, qui, voilà, hein. Ouais, comme disait l'autre, la courbe de Gauss, vous avez à gauche les résistants, 5%, 5 à 10%, on va dire, hein, 5 à 10%, et puis à droite, et même à l'extrême droite, 5 à 10% aussi de collabos, de réactionnaires, et puis entre les deux, il y a 80% de quoi? Eh ben oui, Macron, Mélenchon, il l'a dit. Mélenchon, il l'a dit. Si vous êtes mouton, ben vous serez tondu. Et puis moi, j'ajouterai, ben oui, vous serez transformé en méchoui. Eh ben oui, parce qu'il n'y a pas que la laine dans le mouton. Hein? Manifestation des syndicats à Paris, dont les Vosges, CGT, Santé et Action sociale. Eh oui, il y avait des gens qui ont fait le voyage, qui ont passé beaucoup de temps dans le bus, à la manif, etc. Tout ça, c'est de l'argent, de l'énergie, du temps, pour se battre pour des gens qui, eux, ne se battent pas, qui mériteraient qu'on laisse le système aller jusqu'au bout. Alors ça serait grave, hein, si le système va jusqu'au bout. Si le train, il va jusqu'au butoir, hein, au bout de la ligne, ça peut être très, très, très embêtant. Et j'ai l'impression qu'on y va. Hein, malheureusement. Alors, une maison mitoyenne ravagée par les flammes à Saint-Étienne. Ensuite, grève de main, 20 ans après. Alors, bravo aux chirurgiens qui ont fait les grèves de main depuis une vingtaine d'années. Bravo, c'est vraiment, ça c'est extrêmement positif. Ils peuvent être fiers d'eux et nous, on peut être fiers d'eux. On peut être fiers d'avoir donné les moyens de faire cet exploit. Le casse-tête de l'après Griveaux. Alors ça, on s'en fout. Hein, voilà. Les saisonniers mobilisés contre la réforme de l'assurance chômage. Eh oui, bien sûr. Les saisonniers qui ont déjà un travail très précaire, si en plus de ça, y a des gens qui sont des vrais dégueulasses dans cette société. Voilà, et qui transforme la vie des autres, qui mettent les autres dans la misère. C'est très très grave, de faire ça. Ah oui, il faudra un jour ou l'autre que ça se paye. Hein, ah oui. Premier diplôme pour les stagiaires de l'école de Thierry Marx. Ouais, et ben voilà. Bon, je ricane. Voilà, c'est tout. La foire aux andouilles. Ben bon, foire aux andouilles. Et puis, ils seront 7 autour de la table du débat des municipales. Alors là, ça, c'est les coïncidences qui font que je prends cet article-là après le précédent. Hein. Voilà, à Épinal, il y aura 7 candidats. 7 candidats. Et à Remiremont, combien ? À Remiremont, combien ? Bon, ben, à Remiremont, il y aura beaucoup d'électeurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de naissances. Hein. Il y a 11 naissances, dont 2 enfants de Remiremont, 2 sur 11. Tous les autres, ils viennent ben, d'ailleurs, hein, un peu plus loin. Et puis, il y a seulement 4 décès. Alors donc, tout va bien, Remiremont. Remiremont, c'est la cité des Chanonnaises, c'est la cité, comment, la coquette. Hein. Ouais, c'est ça, hein. Voilà, eh bien, bonsoir quand même, et bonne nuit, et puis voilà, faites de beaux rêves, et à une prochaine. Au revoir. Compagnons dans la nuit, la liberté nous écoute.